Stephen King aime les Allemands, Stephen King aime les années 40, Stephen King a écrit Un élève doué et Bryan Singer l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, bonjour. Salut, t'as pris des pincettes pour celui-là. Hein. Ouais, je m'en suis bien sorti, je trouve, hein, pour ouais, t'as fait le contexte. Ah ouais. Ouais. C'est une figure à pas reproduire chez vous, ça les enfants. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'un élève doué, donc une longue nouvelle du recueil Différentes saisons et son adaptation par Bryan Singer. Ce qui en fait un épisode cursed à un peu tous les niveaux, parce que déjà, effectivement, c'est le récit de King qui tourne autour de la question du nazisme et de la Shoah. Donc déjà, le sujet est assez lourd, mais en plus, le film est réalisé par Bryan Singer, on reviendra dessus, mais j'ai pas des masses envie de parler de Bryan Singer oui, non, aujourd'hui, non plus. En réalité. Non, clairement pas. Donc voilà, c'est vraiment l'épisode piège du Vidéoclub, quoi. Mm. Mais voilà, bah des nouvelles, on a donné les nouvelles dans le dernier épisode, vu qu'on enregistre bout à bout, petit spoiler, petit insider. Donc je pense qu'on va pouvoir se lancer tout de suite. La nouvelle est assez longue, elle fait 300 pages, tu me disais, en poche quasiment. Ouais, ouais, ça fait partie des plus longues du recueil avec le corps. Donc, on va pas mal la spoiler, et le film aussi, donc si vous voulez les lire ou les voir, faites-le avant. Alors par contre, n'achetez pas le film, du moins pas neuf, n'allez pas donner d'argent à Singer, mais faites-le avant. Et nous allons nous lancer. Un élève doué nous raconte l'histoire de Todd, un adolescent américain typique, très bonne note, très populaire. Il va voir un de ses voisins d'origine allemande et qui lui dit et qui lui prouve « Je sais que vous étiez un grand général pendant l'Allemagne nazie, que vous avez participé à torturer et à tuer énormément de prisonniers et énormément de juifs. Je veux que vous m'en parliez, et si vous ne m'obéissez pas, je révèle tout, et il y a plein de gens qui vous cherchent. » Et il y a une relation bizarre et malsaine qui va se nouer entre les deux, entre Todd, qui est de plus en plus fasciné par le nazisme et par le mal, et Dussander, pour son vrai nom, qui va de plus en plus revivre ses souvenirs et sentir revenir des pulsions meurtrières, et les deux vont commencer à tuer des gens chacun de leur côté. Voilà, c'est super. Voilà. Bon, il y en a un qui avait commencé avant l'autre quand même. Il y en a un qui avait commencé plus jeune, on va dire, qui est plus vieux, donc qui avait commencé à l'époque, mais quand il recommence plus ou moins en même temps par contre. Ah, moi j'avais cru comprendre que Dussander, il avait déjà buté au moins des animaux avant qu'il rencontre Todd. Ah, pour moi, même les animaux, ils commencent après avoir rencontré Todd, tu vois. Ah ouais. Je vois ce qui te fait douter, mais ouais. Ouais, je vois d'où vient le doute, mais bon. Donc, dans Différentes saisons, qui est donc un recueil divisé en 4 saisons. Un élève doué, ça correspond à la deuxième, l'été de la corruption. C'est ça. C'est pas l'été de Vivaldi, hein, là. Non. Pas la même ambiance. Ce qui fait qu'on aura abordé toutes les nouvelles du recueil, à l'exception de l'hiver, une fois cet épisode terminé. Mmh. C'est une nouvelle que King écrit après avoir terminé Shining. Il l'écrit assez vite, en 2 semaines apparemment, et qui le laisse épuisé. Après, il n'arrivera plus à écrire quoi que ce soit de valable pendant 3 mois. En interview, il dira que sa motivation pour l'écrire, c'était de comprendre comment les camps de concentration ont pu exister. Et là, je cite King, ouvrez les guillemets. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je n'ai pas la moindre idée de ce qui a poussé ces gens à faire ça. » Le concept d'un mal extérieur qui serait comme des spores flottant dans l'air qu'on respire devient très attractif. Fin de citation. Mmh. Son éditeur... Alors la maison d'édition, elle était un peu dubitative à l'idée de publier la nouvelle, parce qu'elle l'a jugée trop réaliste, cette idée d'un adolescent bien sous tout rapport qui se laisse hanter par une idée et qui devient un tueur, mais qui à la fin fait une tuerie de masse. Ouais. La maison d'édition trouvait ça trop réaliste, donc il a fallu l'imposer un peu. C'est aussi un thème qui était dans Rage, d'ailleurs, tiens. Le livre que, pour le coup, King ne veut plus republier. Par contre, son responsable éditorial l'a félicité d'avoir appelé son protagoniste Todd, puisque si on ne met qu'un seul D, Todd, T-O-D, ça veut dire « la mort » en allemand. Wow. Et King a bien pris garde à ne pas préciser qu'il ne le savait absolument pas et qu'il avait choisi ce nom par hasard. Voilà. La nouvelle évoque très directement, de manière amusante, Andy Dufresne, donc le personnage principal de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, parce que c'est lui qui a obtenu du Sander ses actions qui lui permettent de vivre à peu près convenablement. Oui. J'en ai vu passer des critiques plutôt positives, même si en réalité, comparé à Rita Hayworth et au corps, c'est une nouvelle beaucoup moins abordée par les critiques, elle est moins mise en avant. Elle semble appréciée, même si j'ai trouvé aussi une longue critique pas mal négative sur la façon dont King traite son sujet et sur notamment le développement du personnage de Todd. Mais voilà, c'est pas une... Comme souvent avec les nouvelles, c'est dur de trouver des avis précis. Mais c'est pas une nouvelle détestée, en tout cas. Mmh, ok. Et ben, j'ai pas tant d'informations dessus. Je pensais trouver plus sur celle-ci, ah mais oui, ce n'est pas le cas. Tout. Ouais, ouais, je pensais en trouver plus sur celle-là, mais non, parce qu'elle est un peu éclipsée vraiment par le corps et par Rita Hayworth. Hein. Elle, elle est moins culte au final. Comme le film au final d'ailleurs. Comme l'adaptation, ouais. Voilà, un élève doué. Ouais. C'est largement moins un classique que Les Évadés ou que Stand By Me, oui. Oui, voilà. Même si toi t'apprécies moins Stand By Me que moi, bon. Oui, mais ça a le statut de classique dans tous les cas. C'est un film très apprécié et dont beaucoup de monde parle. Voilà. Mais donc, on va pouvoir passer à nos avis sur la nouvelle. Je te laisse la main. Qu'est-ce que pensaient les critiques du traitement de Todd ? Qu'il n'était pas très bien traité, le personnage de Todd. Alors, c'est une critique que j'ai trouvé qui disait ça, mais qu'il n'avait pas beaucoup d'autres caractéristiques qu'être l'adolescent américain moyen, justement. Et que donc son développement et son basculement dans le meurtre ne marchaient pas très bien. D'accord, parce que je suis pas forcément d'accord. Je trouve que le personnage est plutôt bien mené, et que son basculement, justement, tu le sens venir. C'est-à-dire, dès le début, on sent que le mec est un pète au casque tout de suite, hein, le Todd. Le Todd, moi, je lui mets le sceau du psychopathe tout de suite, dès que je le croise, parce que... Son obsession, elle est radicale, mais dès le début, quoi. Il n'y a pas vraiment de montée en puissance, finalement. La montée en puissance, elle est plutôt du côté du Sander, qui, lui, est plutôt calme au début de la nouvelle, avant de redevenir vraiment un énorme monstre comme il l'était avant. Globalement, c'est une nouvelle que je trouve plutôt sympathique, que je trouve bien écrite. J'aime beaucoup le jeu de chat et de la souris qu'il y a entre Todd et du Sander, justement, et le fait qu'il se... qu'en fait, qu'ils sont le mal absolu l'un pour l'autre, finalement. Et Dussander le dit très bien à un moment, quand il apprend à Todd, en fait, qu'il a mis toutes les révélations dans un coffre à la banque. Je crois que c'est juste avant, ou alors c'est pendant cette scène, ou juste après, où il lui dit, mais Todd, en fait, on ne fait que s'enculer l'un l'autre. Il lui dit littéralement ça. Et je pense que les mots sont tellement justes, ça retranscrit tellement leur relation tout au long de la nouvelle de Chat et de la Souris, ces deux démons qui essayent perpétuellement de se faire du mal, mais en essayant quand même à chaque fois de se renseigner le plus possible sur l'autre pour justement être encore un peu plus manipulateur, en sachant plus justement sur le passé et le présent de l'autre. C'est effectivement une nouvelle très sombre, clairement, c'est pas la joie de vivre. La lecture a des passages un peu complexes, surtout quand on revient sur les camps de concentration et ce qu'on faisait subir au peuple juif, malheureusement. Même si j'avais peur vu que Dussander en parle de manière crue, j'avais peur qu'on puisse ressentir une espèce de jouissance de décrire tout ça. de la part de King, c'est très souvent un piège dans lequel certains auteurs peuvent tomber quand ils te, quand ils te parlent d'horreur et finalement tu dis oui mais tu dénonces les horreurs mais finalement tu les décris tellement bien qu'on a l'impression que tu les apprécies. Je trouve que justement il évite ce piège là parce que oui, les, ce qu'on nous décrit est horrible mais à aucun moment on ne sent le plaisir à la lecture en tout cas de tous ces événements. C'est la première fois que je fais un premier tour aussi long. Non, je crois pas, tiens, mais il faudrait calculer, il faudrait que quelqu'un fasse les, réécoute tout et fasse les stats pour nous. Voilà, ça nous fera une écoute en plus pour chaque épisode. Je suis d'accord sur le traitement de Todd et de Dusunder et de leur relation que je trouve globalement plutôt réussie. J'aime bien l'espèce de jeu d'échecs pervers de manipulation qui se met en place entre eux. Effectivement, qu'il y ait des coups qui se jouent en secret, des renseignements pris, jusqu'à ce que chacun tienne complètement l'autre entre ses mains et que aucun des deux n'ait moyen d'échapper à leur relation. Mm. Ça, ça marche. Je suis un peu plus dubitatif face à la montée de la folie meurtrière chez les deux. Ou je sais pas, je trouve ça un peu trop démonstratif, on va dire, comme manière d'exprimer le mal qui les prend. En effet, il n'y a pas d'aspect voyeuriste, je trouve, dans la manière quand ça décrit les incidents des camps, mais parce que je trouve que ça les décrit pas non plus tant que ça. Justement, la majorité des récits que fait Dusunder, ils nous sont pas donnés. On sait que Todd les entend, mais ils ne nous sont pas donnés, et King, justement, a la bonne idée de ne pas raconter, oui, peut-être pour éviter le voyeurisme du spectateur, qui aurait été le voyeurisme de Todd. Effectivement, ça aurait été contre-productif si on avait partagé ça. Mm, tout à fait. Par contre, en fait, mon problème avec cette nouvelle, c'est le traitement du nazisme en lui-même. Parce que, en fait, juste... Je trouve que ça traite le nazisme purement, au final, comme étant la conséquence d'un problème psy, d'une sorte de folie. Et ça fait presque... En fait, les personnages nazis sont presque traités comme des personnages de série B à la façon de Dead Snow et compagnie, où c'est des méchants parce qu'ils sont nazis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Or, en fait... ça me pose problème. Alors, les nazis sont des méchants, hein, on va pas du tout discuter de ça, ok. C'est, oui. En fait, c'est déjà bien limite à notre époque actuelle que les nazis soient les méchants. mais ça me pose problème dans la mesure où le nazisme, c'est le résultat d'une politique, c'est le résultat d'une propagande sociale, d'une manipulation de l'extrême droite pour jouer sur les colères, sur les haines. Enfin, c'est le résultat de plein de choses très intéressantes socialement et politiquement, et je trouve que d'une certaine façon, le faire tenir à une simple fascination pour le mal et à une maladie mentale, ça pose problème parce que ça donne l'impression que le nazi, ça peut pas être nous, en fait. Ça peut pas être nous et ça peut pas être notre voisin parce que ils sont parfaitement sains d'esprit. Oui. Alors après, l'aspect maladie mentale est pas vraiment abordé dans la nouvelle, je trouve. Non, mais comme tu dis, Todd, il est quand même très traité comme le serait un psychopathe de fiction, toujours manipulateur, où tout est en surface, où il n'y a jamais rien eu de sincère chez lui. Dès le début, sa relation avec ses camarades et ses parents, ça nous est clairement dit qu'il fait semblant et qu'en réalité, il les déteste. Et puis après, pareil avec sa, entre parenthèses, petite amie. Ouais. En fait, c'est que du faux, quoi. Lui, de son côté, c'est que du faux. C'est vraiment le traitement, comme on traite les psychopathes dans la fiction qui mènent une vie sous couverture en simulant tout. C'est ça. Donc oui, je comprends Donc, ton point de vue. J'ai un peu un problème avec ce traitement du nazisme dans la nouvelle. Après, voilà, c'est pas un truc qui empêche de la lire, parce que, encore une fois, au moins c'est clair sur le fait que le nazisme, c'est pas bien, et c'est triste, mais c'est déjà ça. Oui. Mais voilà, je trouve ça politiquement maladroit, on va dire. Après, l'époque, peut-être, de l'écriture, joue. Ça joue certainement, effectivement. C'est vrai que ça a été écrit dans les années 70, et puis King était relativement jeune, au final, en l'écrivant. Voilà. On peut comprendre qu'il n'ait pas eu la maturité politique pour mieux le faire. C'est ce que j'allais dire. Il n'était sans doute pas aussi politisé qu'aujourd'hui. Parce que, ouais. Oh, parce que clairement, parmi les auteurs populaires, ça fait clairement partie des plus politisés. Bah oui, c'est ça. Et aujourd'hui, avec l'ère Trump, avec l'ère Elon Musk, c'est clairement une nouvelle qui aurait absolument pas la même tête, je pense. Bon, je pense qu'il serait, oui, je pense qu'il serait beaucoup plus brutal envers Dusander, déjà. Ouais. Même si, du coup, effectivement, Dusander est un personnage intéressant. Je trouve que ouais, Dusander est plutôt pas mal traité dans le fait que 30 ans ont passé et qu'il est persuadé d'avoir mis tout ça derrière lui, qu'il est persuadé même de s'être mis lui-même derrière lui, qu'au final, 30 ans après, ses crimes n'ont plus vraiment d'importance. Oui. Il en est persuadé, Dusander, alors que il a tué des dizaines de milliers de personnes dans les camps. En fait, il est persuadé d'avoir fait une rédemption, mais il l'a fait à sa propre échelle, quoi. Il l'a fait tout seul dans son coin. Oui, encore une rédemption. Au final, il a rien fait bien, Dusander. C'est juste qu'il a arrêté de tuer des gens, mais il a rien fait de bénéfique, oui, voilà, de sa vie. Non, mais il s'est auto-pardonné, c'est tout. Oui, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que Todd, le réveille totalement. Ouais. Ça, c'est plutôt bien amené. Là, je pense notamment à la scène du déguisement. Donc, quand oui. Todd lui offre un déguisement d'ancien soldat nazi. On commande ça sur le site du GoBoss. Ouais. Et du coup, il lui ordonne en fait de faire la marche, quoi, la marche militaire. Et au début, Dusander est réticent. Et puis au final, il se prend totalement en jeu. Jusqu'à faire le fameux salut de Monsieur Musk, hein, bien entendu. Voilà, c'est ça. Comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Le salut romain, tu veux dire? Voilà, il envoie des bisous à la foule. Ah voilà, c'est ça. Bah, il fait un bisou à Todd, il lui dit qu'il l'aime bien, c'est gentil. Oui. Et oui, Todd réveille totalement Dusander. Ouais, ça, pour le coup, cet éveil marche bien avec un Dusander qui hésite à se réveiller, en fait, qui a des sortes de réserves à l'idée de se réveiller. Et où nous-mêmes, on le sous-estime, je pense, au début du Sander, parce qu'il fait vraiment le vieux croulant qui peut plus faire de mal à personne, oui. qui se met à dormir avec son costume, dont lui-même dit que c'est un costume de pacotille, parce que évidemment, c'est pas un vrai uniforme nazi que Todd lui offre, c'est une reconstitution achetée chez je sais pas quel taré. Mais du coup, peu à peu, il va redevenir dangereux. D'une certaine façon, oui, comme si le costume était hanté et réveillé. Encore plus la partie maléfique qui en réalité n'avait jamais que dormi d'un sommeil très léger. Oui, voilà, c'est ça. Todd, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça passe pas mal, ce côté petit garçon américain bien sous tout rapport qui se révèle très dangereux. Là aussi, tu vois, je pense qu'il y aurait eu un propos à développer autour du fait que le culte de la réussite, qui est quand même très présent dans l'école américaine, enfin dans l'école française aussi, mais dans l'école américaine, c'est un peu plus sévère. En soi, c'est quelque chose qui réveille aussi, qui mène à pouvoir plus facilement adhérer aux théories nazies. Parce que oui, si effectivement, toute ta vie, on t'enseigne que tu dois être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le meilleur en sport, qu'il faut écraser les autres. Effectivement, le glissement vers des théories comme celle du nazisme se fait beaucoup plus facilement derrière. Voilà. Ça aurait mérité d'être plus creusé comme thème, même si je pense que c'est un peu là dans ce qu'est le personnage de Todd. Signalons-le pour ceux qui n'ont vu que le film, la nouvelle se passe sur 4 ans, hein, environ. Oui, voilà. Tandis que et le c'est film ce que j'allais... est plus resserré. C'est ce que j'allais dire. Tu trouves son évolution un peu brute, tu disais. Mais il se passe quand même 4 ans. Alors certes, il y a énormément de passages qui ne nous sont pas comptés. Et je pense qu'en fait, c'est au lecteur de combler lui-même les trous, quoi. Oui, pour le coup, je trouve que ça marche mieux dans la première partie qui fait... une courte rubrique par mois. Ouais. Je me demande si ça aurait pas dû garder ça jusqu'au bout, quitte à avoir des chapitres très courts comme il y en a dans la première partie, mais à vraiment rester sur ce rythme progressif où vraiment le mal s'installe progressivement jusqu'à devenir incontrôlable à partir d'un certain temps. J'aimais bien cette manière de raconter. Ah, parce qu'à un moment, il change d'établissement scolaire parce que je crois qu'il passe du lycée à l'université, du coup. Et là, ouais. Il commence à y avoir des longues ellipses, ouais. Je trouve que la première moitié, globalement, fonctionne un peu mieux rythmiquement que la deuxième. Parce que surtout que c'est dans les longues ellipses où il acquiert les connaissances qui lui seront, entre guillemets, utiles pour la fin. Typiquement, c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir bon en tir, parce qu'il prend Il s'inscrit à un club de tir, ce genre de choses. Ouais. Il devient bon en sport aussi, également. Et où on peut supposer que, ne serait-ce que l'inscription au club de tir, c'est déjà parce qu'il a un peu ça dans un coin de sa tête, parce que bah, il a aucune raison sinon de s'entraîner au tir. Oui. Et surtout qu'il a commencé déjà son massacre à ce moment-là. Il a déjà, oui, les mendiants, il a déjà commencé, effectivement, quand il commence le tir. Il a déjà tué au moins le premier, ouais. Voilà. Parce que oui, effectivement, le réveil des deux, enfin, l'éveil pour l'un et le réveil pour l'autre des monstres que chacun représente va mener à des assassinats de sans-abri pour les deux. Ouais. Autant Dusunder que Todd. Et en plus d'animaux pour Dusunder. Bah, Dusunder commence par les animaux avant de passer aux êtres humains, en fait. Il oui. commence par les chats, bon, dans un côté pas subtil du tout, parce qu'il les met dans son four et que son four fonctionne au gaz. Bon, là, la métaphore est pas très fine, quand même. Voilà. Et ouais, il commence par les animaux, et après, il passera à des mendiants qu'il invite chez lui, qu'il tue et qu'il l'enterre dans sa cave. Tandis que la méthode de Todd, c'est d'aller les voir là où ils dorment quand ils sont isolés et de les massacrer sur place. Ouais, parce que lui, Todd, il a pas de maison à lui. Oui, c'est ça. C'est l'inconvénient d'habiter chez ses parents. Hein. Oui. Il y a tout un passage où Dusunder va quand même dans un chenil pour adopter un chien. Mais... Oui. On sait très bien ce qu'il en fait, mais on ne le décrit pas. Ouais. Ça mène aussi, il y a des enquêtes, mais pas vraiment insistantes, parce que bah, c'est des mendiants et que tout le monde s'en fiche, mais des oui. enquêtes qui commencent à être menées sur le taux de disparition, justement, et où les gens sont persuadés que c'est le fait d'une seule personne, bah, parce que oui, en fait, les deux deviennent de plus en plus similaires, Todd et Dusunder, c'est oui. ça que ça veut nous raconter. Ça aussi, c'est une réflexion que je me suis faite, le King d'aujourd'hui est bien plus politisé. Il en aurait fait toute une partie, ça, du fait que c'est des sans-abri, donc on s'en fout. Alors que là, c'est évoqué, le fait qu'on s'en fout parce que c'est des sans-abri, donc il y a quand même cet aspect critique, mais c'est quand même vite passé, quoi. Oui, effectivement, ouais, ça permet juste de justifier qu'ils peuvent faire ça pendant des années sans se faire choper. Voilà. Et précisons, du coup, parce que tu l'as dit, que Dusunder enterre les cadavres dans sa cave, et en fait, s'il le peut, c'est parce que sa cave n'est pas bétonnée, hein, parce que normalement, une cave, c'est bétonné. Chez oui, les gens normaux. Oui, je suis pas certain que c'était si rare que ça dans les années 70, hein, les caves pas encore bétonnées. Je sais pas, je n'ai pas vécu dans les années 70, c'est vrai. Je te l'avoue. À mon avis, il y avait moyen que ce soit un truc relativement récurrent. Hein. Ça expliquerait tous ces serial killers. Bah oui, c'était plus facile à l'époque. Aujourd'hui, avec l'internet et compagnie, on peut plus être serial killer tranquille. Ah non, c'est vrai ça. Ah bah tu sais, c'est la faute du wokisme. Il y en a des biens. Hein. Ouais, bah j'ai un très bon ami serial killer. Hein. Les joutes verbales entre Todd et Dusunder, comme on l'a dit, là, elles fonctionnent quasiment toutes vraiment bien. Ouais. Parce que, bah, en effet, vu qu'il y a des va-et-vient perpétuels dans qui a le pouvoir, qui le perd, on a toujours le doute sur qui va sortir gagnant. De chaque joute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, vu qu'on est un peu dans la tête des deux, on sait très vite que les deux mentent. Oui. Et les deux sont quasiment sûrs que l'autre ment, d'ailleurs, notamment sur le fait qu'ils ont des lettres ou des trucs comme ça pour manipuler l'autre. Les deux sont quasiment sûrs que l'autre ne dit pas la vérité, seulement il y a une toute petite dose de doute qui fait que bah, ils sont tenus quand même. Et le doute est dès le début, hein. Souviens-toi, la première fois où Todd, donc dès le... Parce que la nouvelle s'ouvre sur ça, c'est Todd qui va avoir Dusunder et qui lui dit « Je sais tout, si tu veux pas que je te balance, bah tu vas me raconter tout ce que t'as fait. » Et pendant cette toute première discussion, à un moment, Dusunder propose à Todd de boire un truc et Todd lui demande du lait. Il lui ramène le verre de lait et Todd est hésitant à le boire, se posant la question « Est-ce qu'il aurait pas mis une saloperie dedans pour me buter ?» Et là, Dusunder boit une gorgée devant lui pour le rassurer. Donc dès le début, il y a déjà cette méfiance, alors que leur relation vient à peine de commencer. Oui, bah, c'est une méfiance qui est légitime. Ce qui est... Oui, qui est totalement légitime. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que Todd va mettre un moment à se rendre compte que il est totalement piégé et qu'il ne peut plus en sortir. Oui, pour lui, il est dominant tout le temps, alors que pas du tout. Bah, et puis surtout pour lui, il est aussi dans l'idée, le jour où j'en aurai marre, bah, j'aurai qu'à arrêter. Il n'a pas conscience que, effectivement, ça le suivra longtemps et que Même s'il arrête 10 ans plus tard, on pourra toujours lui ressortir qu'il a été ami avec un nazi, et quand même ça frappera encore plus fort. C'est ça. Là encore, tu vois, si c'était réécrit aujourd'hui, ça marche plus maintenant. 10 ans plus tard, ton meilleur pote c'était Goebbels, wow, c'est bon, t'as changé quoi. Oui, voilà, c'est ça. les temps sont plus les mêmes. Non, bah, malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais, sur certains trucs, ouais. Il y a une méfiance qu'on aurait dû garder, ouais. Mmh. Mais donc oui, la nouvelle est construite comme ça. C'est à chaque fois, c'est l'un qui reprend le dessus sur l'autre, et ainsi de suite. Il y a ce passage génial où justement Todd, à force d'écouter les histoires du Thunder, devient une brêle en cours, et donc commence à avoir de mauvaises notes, et du Thunder se fait passer pour son grand-père en allant voir le conseiller, l'espèce de conseiller d'orientation, pour calmer le jeu, quoi. Et à ce moment-là, bah, Todd semble pas vraiment s'en rendre compte, mais pourtant c'est du Thunder qui prend la main sur tout ce qui est en train de se passer, quoi. Oui, parce qu'il est plus expérimenté. D'une certaine façon, en fait, du Thunder a une attitude aussi plus kamikaze, on pourrait dire. C'est-à-dire, à partir du moment où il a compris que, de toute façon, lui, il est baisé, ce qu'il va se dire, c'est « Au moins, si je tombe, j'amènerai l'autre dans ma chute. » Oui, voilà, c'est ça. Tandis que Todd, lui, cherche à se protéger lui-même. C'est ça qui lui fait perdre de plus en plus l'ascendant. C'est ça. Le conseiller d'orientation, typiquement, c'est vraiment typique un personnage de King, quoi. Le personnage gentil qui veut juste faire son boulot. Et puis, bah, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. Il y a plusieurs passages, alors notamment dans la première moitié, qui vont être vus. Il y en a un du point de vue du conseiller d'orientation, justement. Mais surtout du point de vue des parents de Todd, pour développer un peu l'idée que personne ne voit venir ce qui est en train de se passer, que tout le monde continue à le considérer comme un bon gamin, comme quelqu'un de fiable, et tout et tout. Ces passages-là, ils sont plutôt intéressants, je trouve. Oui. Et parce que toi, en tant que lecteur, tu sais très bien. Bah oui, vu que c'est largement après qu'il ait commencé à bien fréquenter du Sander. Voilà. C'est pareil, t'as tout le repas de famille. Pas de famille. Dans le film, un vrai repas de famille, quoi. T'as les oncles, les tantes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? Dans le roman, c'est juste les parents, Todd et du Thunder. Mais t'as cette question fatidique à un moment, bah, qu'est-ce que vous viviez pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne? Et Todd qui est en train de se chier dessus. Ah bah, j'étais juste réserviste. En même temps, la question est parfaitement légitime. Je veux dire, dans les années 70, évidemment, tu croises un émigré allemand d'à peu près de cet âge-là. Bah oui, la question est légitime. Alors, je sais pas si tu la poses. Moi, je sais pas si j'aurais osé la poser. Mais tu peux te la, oui. Tu te la poses dans ton fort intérieur. Bah oui. Et donc, ce qui va mener à la chute du système, dont on aurait pu se demander s'il aurait pu tourner finalement de manière perverse jusqu'au bout. Sachant que oui, on l'a pas trop dit, mais il y a aussi une forme bizarre d'amitié qui se développe quand même entre Todd et du Sander. Surtout de la part de Lysander pour Todd, il a une sorte d'intérêt pour lui, parce que bah, sinon il est tout seul tout le temps, et donc bah, au moins Todd c'est de la compagnie, une compagnie qui le déteste et qui le fuit de plus en plus, mais une compagnie quand même. Mmh, c'est ça. Mais donc ce qui va mener à la chute, c'est que un jour, alors qu'il vient de tuer une de ses victimes, Lysander fait une crise cardiaque et doit appeler Todd au secours. Oui, parce qu'il n'est pas capable du coup de camoufler le corps lui-même et de tout nettoyer. Et puis bah, quand tu fais une crise cardiaque, il vaut mieux que tu ailles à l'hôpital. Hein. Oui, c'est ça. Après, tu peux appeler l'hôpital, hein, ils ont déjà vu les corps. Bon. Oui, mais bon, c'est bizarre quoi. Ils ont droit à s'en débarrasser, ils ont des pièces pour ça. C'est bon. Pourquoi monsieur, il y a un mec avec un couteau enfoncé dans le dos dans votre cuisine? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il a trébuché. L'excuse oiseuf, il a glissé. C'est ça. C'est juste pas le même orifice, quoi. Mais donc Todd arrive, planque le cadavre, mais de manière très superficielle, et les cadavres seront très facilement retrouvés par la suite, et Lysander est amené à l'hôpital, et il y a une autre personne dans sa chambre, un gars d'une soixantaine d'années, d'origine juive, qui a eu un accident, qui est tombé d'une échelle et qui se retrouve dans la même chambre et qui va reconnaître du Sander, qui va reconnaître en fait... C'est un peu quand même le Deus Ex Machina pour terminer l'histoire. Oui, mais Ça c'est un vient peu un peu de nulle assumé, c'est part. un peu assumé comme tel, hein, Oui. d'ailleurs. Alors c'est encore pire dans le film, hein, on en parlera. Parce que là au moins le Oui. mec est introduit avec un chapitre entier, quoi, pour t'expliquer pourquoi il est là. Un chapitre qui fait d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez drôle avec tous les malheurs du mec. Ah oui. C'est le chapitre, c'est limite une séquence dans un film des frères Cohen. Le Oui, c'est gars qui a ça. rien demandé à personne et à qui il arrive que des merdes. C'est ça, puis à la fin du chapitre, il lui arrive tellement de merde, puis il croit même plus en Dieu, quoi, il en a à foutre. C'est vrai que c'est un chapitre plutôt drôle, ouais. Mais du coup, qui reconnaît du Sander pour ce qu'il est, parce que bah, c'est cet homme a perdu sa première épouse et ses deux filles dans le Ouais. camp que du Sander gérait. Tenez, c'est ça. Et du coup, il va le dénoncer, et là, après, les choses vont très vite. Ouais, vont vraiment s'accélérer avec, avec les flics qui débarquent, avec un agent israélien aussi qui débarque pour faire l'identification et puis pour organiser le rapatriement chez lui, là où il doit être jugé. Dussander va se suicider plutôt que d'être entraîné dans tout ça. Ouais. Parce qu'il a déjà, dans des précédents chapitres, expliqué que les Israéliens faisaient. Ils retrouvaient des criminels de guerre nazis, quoi. Bah, c'est la corde, hein. En même Oui, temps, bah oui, qu'est-ce que ça pourrait être celle-là. d'autre? Oui, c'est. Surtout que c'est pas. C'est vraiment pas le petit exécutant du Sander, c'est vraiment le chef de camp Voilà. nazi, c'est le gars qui commandait. C'est-à-dire que même être pendu à cet âge-là, bon, c'est pas bien cher payé, finalement. Ouais, voilà, c'est ça, il a 80 ans, et il a vécu sa vie, alors il a vécu sa vie dans une peur permanente d'être retrouvé, mais ça j'ai envie de dire, bah, c'est de ta Oui, faute, c'est. bah oui. Voilà. Voilà, y a aucune excuse. C'est ça. Et donc oui, il préfère la méthode douce, n'est-ce pas? Ouais. Suicide par overdose médicamenteuse. Mais King ne le laisse pas tranquille à la toute fin parce que finalement, sa dernière pensée, c'est si il y avait vraiment une vie après la mort et que je passais le reste de ma vie à cauchemarder. Et c'est vrai que cette vision est terrifiante. Bah oui, c'est vrai que là, tu te dis si effectivement il y a quelque chose. Si tu es Bah ouais. ouais, dans une période de rêve perpétuelle en fait, et que c'est pas des rêves mais des cauchemars, du coup du cauchemar éternel, c'est terrifiant comme pensée. Alors c'est Ouais. terrifiant pour quelqu'un de normal. Si c'est quelqu'un comme Dussander qui le subit, bon bah, c'est plutôt réjouissant. Oui. Mais voilà, tu m'auras compris. Y a un petit côté, y a un petit côté concept de l'éternel retour de Nietzsche dans cette idée. Est-ce qu'on serait prêt à revivre éternellement notre vie? Bah, Ouais, c'est pour voilà, ouais, c'est ça. l'anecdote de celui qui a fait fac de philo. Hein. En fait, Todd, on sent qu'il aurait pu encore presque s'échapper. Enfin, on se demande. Non, il comprend qu'il accumule les erreurs, en fait. Il comprend qu'il n'est pas si fort que ça, au final. Que face à des vrais policiers, à des vrais enquêteurs, en fait, il multiplie les petits incidents qui, peut-être, n'auraient pas eu de conséquences graves, mais qui auraient pu aussi amener à ce qu'il soit chopé. Et en fait, il va se sentir de plus en plus acculé. Mais on peut supposer que c'est la conséquence de la parano de plus en plus forte qu'il a développée pendant des années auprès de Dussander. Oui, clairement. Surtout que c'est des pièges à la con hein, qui lui tendent, les inspecteurs. Hein. Oui, mais en fait, il veut trop bien faire, notamment quand il dit qu'il n'y a que la lettre qui a été volée, c'est parce qu'il veut trop bien faire. Oui. Puis il fait le malin. Il y a des moments où il fait le malin. Genre, il a peut-être un allié. Oui, mais pourquoi il lui aurait pas eu la lettre? Bah, il était aveugle. Oui, mais pourquoi un aveugle volerait une lettre? Ça, il fait le petit malin comme ça. Il fait le petit con. Oui, bah, il est persuadé d'être génial, hein, quand même. Ah oui. Il fait le C'est un malin. des gros trucs de Todd, il est persuadé d'être au-dessus de tout le monde. Il fait le malin, tombe dans le ravin. Comme on dit. Mais ben voilà, ben il va du coup se livrer à une tuerie Oui. dans ben il se met sur une aire d'autoroute qu'il avait déjà vue, enfin sur une aire d'autoroute, non, sur une bretelle d'autoroute qu'il avait déjà vue et où il sait qu'il y a souvent des bouchons et où donc il pourra faire un Alors, méga carton. avant ça, il y a la séquence avec le conseiller qui Ah revient le oui, c'est vrai que je voir l'avais oublié, le pauvre conseiller. et qui lui dit, bah, dis donc, j'ai vu le journal, là c'est marrant, mais le grand-père là que tu m'as présenté il y a quelques années maintenant pour qui disait qu'il allait s'assurer que ta note remonterait, bah, c'était pas ton grand-père en vrai, c'était le criminel nazi là, tu m'expliques? Et puis bah, la seule explication qu'il a pris, bah, c'est 2 balles dans le buffet. Donc autant dire que bon, quand t'es conseiller d'orientation, en général, t'es pas très entraîné à recevoir des balles dans le ventre. Du coup, pas de chance pour lui, mais c'est rideau. Bah, c'est... Même quand t'es pas conseiller d'orientation, hein, c'est pas un truc... oui. Voilà. C'est pas faux. Même un militaire, globalement, il prend une balle dans le ventre, il se sent pas bien, quoi, malgré la formation. Oui, mais lui, il a un équipement, normalement. Ah, et normalement, il a l'équipement, oui, c'est ça. C'est voilà. Vrai que le gilet pare-balles ne fait pas partie de l'équipement du conseiller d'orientation. Enfin, normalement, ça n'en fait pas partie. Ça a peut-être changé, ça, mais... Oui, dans le monde moderne dans lequel on vit, peut-être un peu plus, ouais. Mais... À l'époque, ça n'en faisait pas partie. À mon avis, dans t'attends 1 ou 2 mois, ils ont les armes sur eux, les conseillers d'orientation. Bon, par contre, aux États-Unis, c'est peut-être déjà possible. Je sais même pas. Non, je pense pas encore, mais à mon avis, il y a moyen que ça arrive un jour, par contre. Et donc après ça, bah voilà, il a buté son conseiller d'orientation. Maintenant, au final, foutu pour foutu, c'est ce qui se dit. Pas dit clairement, mais c'est ce qu'on pense qu'il peut se dire. Bah, il va commettre sa tuerie de masse là où il avait déjà repéré le lieu avant, proche d'une bretelle d'autoroute. Et puis, bah, la police le tombe dessus et là-bas. Comme ça que ça se termine. De manière très brute. Hein. Il y a quand même 2 récits de King assez tôt dans sa carrière, entre ça et Rage, qui concernent les tueries de masse. Ça montre bien que c'est quand même un problème qui est présent depuis une éternité aux États-Unis. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ouf. Mmh. Mais du coup, ouais, c'est la fin. Voilà, j'aime bien l'idée que ça amène à ça, que ça montre à quel point, sous ce qui a l'air d'être la normalité, les choses peuvent en réalité complètement dégénérer. Et que, bah, en fait, quasiment à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse comme ça, on a l'impression que ça vient d'un jeune homme sans histoire. Oui, le voisin idéal. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mm. Mais voilà, il y a des failles dans le développement. Et finalement, j'aurais aimé une meilleure gestion politique du nazisme, une meilleure gestion aussi de tout ce qui est autour de... Parce qu'il y a une très forte thématique quand même du sexisme très très marqué de Todd. Ouais. Qui, dont la majorité des fantasmes vont être autour de faire du mal plutôt à des femmes. Il y a beaucoup de fantasmes de violence sur les femmes, même si physiquement il va s'attaquer qu'à des mendiants hommes, a priori. Oui. Mais il y a tout un côté très sexiste qui aurait pu mener à un message aussi sur la masculinité et sur comment ça peut amener justement à être très ouvert aux théories de l'extrême droite et aux théories du fascisme. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas assez de maturité politique chez King pour le traiter convenablement. Oui, voilà, c'est ça. Et... au moins, les deux, ils passent à la fin. Au moins. Oui. C'est-à-dire, aucun n'est pardonné. N'est-ce pas Bryan Singer ? Ben, je sais pas s'il est vraiment pardonné à la fin du film. Bah non, mais il meurt pas. On y revient. Non, il meurt pas. Mais du coup, ça fait une fin pas heureuse, mais... Ouais, mais il s'en sort. Il s'en sort, oui. Voilà. Mais ça, à la limite, tu vois, dans la mesure où il est pas... On y reviendra quand on parlera du film. Dans la mesure où il est pas pardonner ou c'est montrer que c'est une mauvaise chose qu'ils s'en sortent, pourquoi pas. Oui. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur la nouvelle ? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ok. Dans ce cas-là, je propose que nous passions à l'adaptation. Hear about it. Hear about what? Everything. What everything? Everything they're afraid to show us in school. Far from the shadow of suspicion. Far from the scene of any crime. Todd Bowden has discovered a secret. If you could let me in for a minute, I just want to talk. Talk? I don't have anything to say to you, boy. You were there. You did those things. I'm an American. You've no right to come here and say these lies about me. I have your fingerprints. I have your photographs. What do you want? I want to hear about it. Everything. Between innocence and experience. To the whole world, I am a monster. And you, have known about me all this time. Between curiosity... What did it feel like? ...and conscience. Lying to judges and reporters isn't as easy as you think. Can you do that? I know I can. Todd Bowden is about to learn a valuable lesson. I wonder if you'd mind if I ask you a personal question. Not at all. What'd you do during the war? Alors, les premiers projets d'adaptation de Un élève doué, ça débute peu après la sortie de différentes saisons. Et au départ, c'est le producteur Richard Kobritz qui s'y intéresse, qui avait déjà produit Christine ou Les Vampires de Salem, la mini-série de Tobe Hooper. Et le premier acteur envisagé dans le rôle de Dussander, c'est James Mason. Mais alors que la production commence à se préparer doucement, James Mason meurt en juillet 1984 d'une crise cardiaque à 75 ans. Il est remplacé par Richard Burton, qui meurt d'une hémorragie cérébrale quelques mois plus tard. Donc c'est une production qui commence mal. Hein. Et le projet oui. est mis en pause à ce moment-là. Mais en 1987, c'est reparti avec un réalisateur anglais qui est Alan Bridges, qui commence le tournage sur un scénario de Ken et Jim Witt, qui sont les scénaristes de Freddy 4, La Mouche 2 et plus tard Pitch Black. Bon, écoutez, le truc sur le criminel nazi, pourquoi pas hein. C'est bien Freddy 4 et Pitch Black. Oui. Les acteurs au moment de ce tournage, c'est dans le rôle de Todd, Ricky Schroeder, et dans le rôle de Dussander, Nicole Williamson. 10 semaines de tournage ont lieu, mais la production a des problèmes financiers, il n'y a plus les fonds et donc elle doit s'arrêter. Alors, les sources divergent, il y a soit 40 minutes, soit 75% du film qui sont faits, en tout cas c'est pas terminé du tout. Ouais. Et un an plus tard, le tournage aurait pu reprendre, il y a l'argent, mais Ricky Schroeder, qui incarne Todd, il a grandi. Il était ado, il a beaucoup trop grandi, et donc les raccords deviennent impossibles, et donc le projet est abandonné. Ah, alors marche. Que c'est tourné, King dit que ce qu'il avait vu de ce film était très bien, et le matériel qui était tourné, donc ces 40 minutes ou un peu plus qui existent, c'est considéré comme un lost media aujourd'hui, c'est introuvable. Mais en voyant mais a priori, ça existe. En voyant, on fait le dub dessus. Ouais, mettons-le sur le coup, ouais. Lui et sa commu, t'inquiète pas, ils vont retrouver ça. Il va les retrouver dans un porno, on va pas comprendre. Putain, on pourra pas en parler du coup. Pourquoi pas. Et donc, comme le projet est tombé à l'eau, les droits finissent par revenir à King en 1995, et c'est à ce moment-là qu'il est contacté par Bryan Singer, qui avait lu la nouvelle quand il avait 19 ans, et ça l'avait beaucoup marqué, et donc il contacte King en lui envoyant en CV Usual Suspects. Il avait aussi déjà demandé, avant même d'avoir les droits, à son ami Brandon Boyce d'écrire un scénario. Et donc il peut fournir un premier traitement à King en même temps, et King est plutôt impressionné par ce qu'il dit, et donc il va lui accorder les droits pour $1. C'est le premier scénario vraiment produit de Brandon Boyce, qui est pas méga actif hein, en dehors de ça. Il est acteur dans la série Teen Wolf, dans quelques épisodes, voilà. Ok. C'est un CV, je suppose. Oui, écoute. Faut bien commencer quelque part. Ouais, mais c'est la série Teen Wolf de 2020, donc c'est plutôt il faut bien finir quelque part. Oui, effectivement. Bryan Singer, à cette époque, est encore jeune. Ce sera seulement son troisième long métrage après Ennemi Public et Usual Suspects. Singer, c'est plutôt un réalisateur qui deviendra connu vraiment très, très majoritairement avec son film suivant, X-Men. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'il va accéder à d'autres grosses prods qu'il va plutôt enchaîner. Et donc, on va poser le truc tout de suite, Bryan Singer, il y a de très nombreuses accusations qui émergent à partir de 2014. Alors, on y reviendra. En réalité, il y en avait eu plus tôt que 2014, mais celles qui ont vraiment fait beaucoup parler d'elle, c'est à partir de 2014, pour agression sexuelle sur mineurs et viol. Et pour le coup, dans son cas, ça semble avoir mis plutôt un stop à sa carrière. Même si, en fait, c'est deux choses qui se combinent, c'est déjà ces accusations-là, et le fait qu'il a quand même la réputation d'être un colossal connard sur les plateaux de tournage. Apparemment, ça a commencé à la période d'X-Men, où il était complètement ingérable. Et Bohemian Rhapsody, il avait fini par abandonner le tournage en cours de route et par planter la production. Donc je pense que malheureusement, en fait, c'est plus ça que les accusations qui ont fait peser la balance, parce qu'il n'a pas été condamné. De toute façon, on sait bien que même quand il y a condamnation, il y en a qui arrivent à reprendre une carrière derrière, alors bon. Oui, bon. Il y en a, c'est tous quasiment. Ouais. Donc ça m'aide pas à avoir un avis positif sur Bryan Singer, mais de toute façon, c'est pas un réalisateur dont je suis dingue. Non, moi non plus. En général. On en a parlé en off, mais du coup, on peut en parler. Oui, bah oui, parce que les gens pouvaient pas nous entendre, donc parlons-en. Effectivement. Bah clairement, pour parler déjà de son film le plus renommé, on va dire, Usual Suspect, globalement, mis à part le twist, c'est quand même assez osef, hein, faut quand même se l'avouer. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Ouais, il fait partie en fait de ces films à twist qui ont un problème, c'est qu'ils fonctionnent pas vraiment au-delà de leur twist. Bah oui, contrairement à du Shyamalan par exemple, et surtout ses premiers, Sixième Sens typiquement, tu peux le revoir, tu connais le twist, tu le revois, bah prends toujours une claque quoi, parce qu'il y a tout qui fonctionne. Oui, parce que l'histoire, en fait le twist ne tient pas l'intégralité de l'histoire. Voilà. Il y a d'autres trucs qui sont intéressants dans Sixième Sens. C'est ça. Et justement, connaître le twist te permet d'avoir un second visionnage où tu le regardes d'un œil différent. Où tu essayes de trouver les indices que Shyamalan t'avait glissés, parce qu'il en a glissé. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, et puis même le héros de Sixième Sens, c'est plutôt le gamin qui finalement n'est pas tellement touché par le twist. Ah oui. Tandis que dans Usual Suspects, oui, je trouve qu'il devient nettement moins intéressant. À la limite, on le revoit une fois pour voir comment on a été manipulé, mais c'est pas passionnant, je trouve, une fois qu'on connaît la fin. Ses autres films, bah, pour moi, son meilleur, c'est clairement X-Men 2. Oui, clairement. Qui lui, par contre, est vraiment un bon film, je trouve, X-Men 2. Oui. Vraiment, déjà, toute la scène... de Diablo qui s'introduit dans la Maison Blanche, elle est ultra réussie. Ouais. Et puis même, au-delà de ça, l'histoire est cool, les personnages plutôt bien développés. Le seul souci d'X-Men 2, c'est le design des costumes qui est dégueulasse, quoi. C'est tout. Et c'est même pas que d'X-Men 2, c'est des X-Men de cette génération-là. Oui, encore, tu vois, j'arrive à passer outre. Tu vois. Oui, non mais oui, on peut passer outre, par contre, c'est pas rédhibitoire. Je pense que c'est le meilleur film X-Men, même si moi, au contraire de toi, j'aime vraiment bien First Class. Ouais. Je crois que toi, t'en es vraiment pas fan. Pas trop. Faudrait que je le revoie, mais non, pas trop. Et sinon, je regarde... Bah, après, il y a Logan qu'on peut continuer voilà. X-Men, et moi, je l'ai toujours pas vu, donc... Ah oui, c'est vrai que t'as jamais vu Logan. Ouais, il va falloir un jour, hein, mais... Bah oui. Donc effectivement, je peux comprendre que tu dises que X-Men 2, c'est le meilleur si t'as pas vu Logan, parce que je mets quand même Logan au-dessus. Ouais. Mais voilà, sinon, bah, à chaque fois que j'ai vu un Singer, je me dis au mieux, ouais, c'est sympa, mais je sais pas, je trouve la réalisation jamais exceptionnelle. Y a rien qui m'interpelle particulièrement chez Singer. Je trouve que c'est un faiseur efficace au mieux. Bah oui. Donc je sais pas pourquoi il a eu ce statut-là un peu culte quand même, mais pour moi ça a pas marché. Bah pour moi, c'est Usual Suspect et les X-Men. Hein. Ouais, probablement. À noter que il a participé à la création et il est producteur exécutif sur les premières saisons de Dr House. Donc il a quand même participé à un truc que j'aime beaucoup. Oui. mais voilà. C'est pas lui le type principal derrière, quoi. Non, il a mis du blé sur la table, quoi. Ouais, apparemment il a quand même pas mal participé au choix du casting principal, donc il a quand même fait des trucs bien dessus, tu vois, finalement, parce que le casting est trop cool. Mais voilà, c'est tout. Donc, sur ce film, au début, il collabore avec Scott Rudin et le studio de production Spelling Films. Le tournage aurait dû commencer en juin 1996, et afin de tourner le film, Singer refuse, ennemi rapproché, je sais pas trop ce que c'est devenu, mais The Truman Show à la réalisation. Ok. Mais les producteurs laissent tomber le budget pour... Alors, King suppose que c'est un problème de budget, c'est ce qui est le plus avancé, mais Singer nie tout à fait cette explication. Sans entrer dans les détails, il parle juste de différents créatifs. Mais lui, il dit que c'est pas une question de budget, mais je vois pas pourquoi il mentirait sur ce truc-là, donc je sais pas. Finalement, il va réussir à collaborer avec Phoenix Pictures, tiens, en parlant des X-Men, avec une distribution par Tristar pour un budget de 14 millions de dollars... et un tournage qui se fera entre le 19 février et le 3 mai 1997. selon l'IMDB. D'autres sources indiquent un tournage qui débute en mars. Ok. Je comprends pas ce que Sawyer vient faire dans l'histoire. Une production Tristar. Ah oui, j'avais pas fait le lien, effectivement, ouais. Ah, c'est toi le spécialiste du cinéma asiatique, et bah dis donc bouh. Non mais elle est drôle. Mais en plus, voilà. Je crois que je l'ai pas vu, Tristar. Ah bon? Bah, ouais. T'as pas l'édition Spectrum du festin chinois? Bah non, parce que j'avais déjà le festin chinois, donc j'avais la flemme de l'acheter. D'accord, bah parce que c'est le double programme. Oui, je sais, j'avais hésité, mais le truc, c'est que comme le festin chinois, je trouve ça sympa sans plus, et que Tristar, ça a la réputation d'être sympa sans plus aussi, ça me faisait un peu chier de payer 30€ pour un film sympa sans plus, tu vois. Ouais, faudrait que tu te le casses dans une offre de plus 1, quoi. Je crois qu'il est indisponible maintenant, celui-là. Oh, bah tu vas te faire foutre, puis c'est tout. Non, mais je verrai le film autrement. Oui, t'as des amis à Hong Kong, ils vont t'envoyer la cassette. Oui, voilà, c'est ça. Nous allons passer au casting. Dans le rôle de Todd, il y a Bran Renfro qui avait commencé sa carrière dans un film de Joel Schumacher, Le Client, avec Susan Sarandon et Tommy Lee Jones. Je sais que ça fait partie des Schumacher qui ont plutôt bonne réputation, mais je ne l'ai pas vu. Ah non, je ne l'ai pas vu celui-là non plus, viens. Il est aussi dans Sleepers de Barry Levinson, qui est un film très sympa, et il joue la version jeune d'un autre Brad Pitt. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celui-là. Ça fait un moment aussi, hein, mais j'en ai vraiment un bon souvenir. Et après, il va hélas avoir un parcours typique d'enfant star, gros problème d'addiction, problème avec la justice, ça fait sombrer sa carrière, et il meurt d'une overdose à 25 ans en 2008. Ouais. Pour un élève doué, il avait été récompensé au Festival International du Film de Tokyo, voilà. Ah bon? Ouais, mais pourquoi pas. Oui, c'est vrai ça, pourquoi pas, après tout. Dusander est joué par Ian McKellen, un acteur britannique qui commence sa carrière pro au début des années 60, et comme tout acteur de scène anglais qui se respecte, il joue régulièrement dans du Shakespeare. Il a joué dans un nombre incalculable de Shakespeare et de pièces de théâtre, c'est complètement dingue, ça... sa carrière, on peut mentionner, ça m'a amusé, qu'il a tenu le rôle de Salieri dans une mise en scène d'Amadeus. Ah bon ? Pour laquelle il a reçu un Tony Award. D'accord. Et effectivement, je le vois bien en Salieri, en vrai. Oui, effectivement. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de finesse au personnage. J'ai noté de manière amusante qu'il a joué Hitler dans un téléfilm appelé Condemned to War. Ah la vache. Mais c'est dans les années 90, en fait, que sa carrière ciné va se développer. Bah, pour rester dans Shakespeare, il a joué Richard III dans le film de Richard Lundgren, qui utilise l'imagerie nazie, vraiment, ça s'attache à lui. C'est une très très bonne version de Richard III qui modernise le contexte en le mettant dans l'Allemagne nazie. Il est vachement bien, ce film-là. En sachant tout ce qu'il représente pour de nombreuses personnes... comme acteur. Oui, oui, c'est ça. Ça fait mal de se dire toutes les représentations nazies qu'il a pu incarner, du coup. Ouais, de manière ironique, quand il joue Magneto, alors c'est un méchant, Magneto, oui. mais c'est une victime des camps, oui. Lui, techniquement. Donc il a joué les deux côtés. Ce Magneto va évidemment le propulser sur le devant de la scène pour le grand public international, ouais. Avec en plus Gandalf. Alors pour le coup, quel choix ultra judicieux. D'avoir casté McKellen pour Magneto, ça lui va tellement bien. Oui, bon, et Gandalf aussi, hein, ça lui va super bien. Et en très intéressant, on peut mentionner aussi qu'il a joué Sherlock Holmes dans le film Mr. Holmes, sur un Sherlock Holmes vieillissant qui commence à perdre la mémoire et ses capacités de déduction. C'est un très beau film et il est excellent dedans. C'est vraiment très chouette, ouais. De toute façon, c'est un excellent acteur, hein. Il est très bon dans tout ce dont je l'ai vu. Et effectivement, bah, ce qu'il représente, c'est McKellen a fait son coming out à la fin des années 80, je crois, ou début des années 90. En tout cas, c'est au moment où il commençait à y avoir une vague d'homophobie très très marquée, notamment à cause de la montée de l'épidémie de sida qui a beaucoup stigmatisé la communauté gay. Et du coup, il a jugé que c'était nécessaire que des gens... important dans les médias fassent leur coming out, et c'est à ce moment-là qu'il l'a fait, et effectivement c'est un plutôt gros représentant de la communauté gay en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, c'est ça. Et c'est quelqu'un de très intéressant à écouter en interview, etc. Donc outre que c'est un très bon acteur, c'est effectivement quelqu'un pour qui j'ai vraiment de l'affection, McKellen. Oui, clairement, oui. je regarde justement sa page. On sait, oui, c'est dans les années 90 qu'il commence à vraiment se mettre en avant dans différentes associations LGBT, oui. Ouais, c'est ça, c'est quand il sent que ça devient, qu'il a un pouvoir médiatique et que ça devient nécessaire d'utiliser ce pouvoir médiatique pour aider ceux qui sont dans une situation beaucoup moins confortable que lui. Mmh. Le conseiller d'orientation, alors c'est vraiment eux deux qui tiennent le film, hein, globalement. Ils ont énormément de scènes que tous les deux, les autres personnages sont très vite assez secondaires, mais le conseiller d'orientation, Ed French, est joué par David Schwimmer. Je n'ai noté que le fait qu'il joue Ross dans Friends, parce que c'est le truc majoritaire de sa carrière. Moi, je trouve ça vraiment très mauvais, Friends, mais voilà, il joue Ross dans Friends. Écoute, c'est une série à laquelle je me suis jamais vraiment intéressé. Après, je suis pas très sitcom, donc... Non, moi non plus. Mais en fait, les sitcoms, ça me fait souvent le même effet. Ça me met mal, parce que je comprends pas ce qui est censé être drôle. Et Friends, c'est exactement ça. Je regarde un épisode, je comprends même pas pourquoi c'est censé être drôle. Et puis, il y a rien enregistré, quoi. Je suis comme, tu sais, dans le sketch de Groland, cul un mouton, sauf que je suis du côté de ceux qui demandent pourquoi c'est drôle pour Friends. Oui. Non, c'était pas Groland, c'était les Guignols. Oui, c'était les Guignols, mais c'est parce que c'était à cause d'un sketch de Groland. C'était un sketch de Groland qui avait mené à ça, où effectivement, parce qu'il y a un vrai sketch de Groland sur Michael Culk en cul un mouton. Voilà. Le père de Todd, il est joué par Bruce Davison, qu'on a déjà vu pour le coup il y a longtemps, mais c'est le docteur Stegman dans Kingdom Hospital, le chirurgien connard. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Et la mère de Todd, elle est jouée par Anne Dowd, qui est une actrice très régulière de second rôle. Alors, j'ai pas vu la série La Servante Écarlate, mais elle joue Tante Lydia dedans, et je vois qui est le personnage, pour le coup, parce que j'ai lu le livre. Elle est aussi dans The Leftovers, et elle avait un petit rôle dans Big Driver, mais ça remonte, je sais plus si on l'avait mentionné, parce que c'est un rôle relativement secondaire. Ouais. La photographie est de Newton Thomas Siegel, directeur photo de beaucoup de films de Singer. C'est une bonne partie de sa carrière, mais sinon on peut citer dans ses autres crédits Les Frères Grimm de Terry Gilliam, Drive de Nicolas Winding Refn ou The Five Bloods de Spike Lee. Ok. Voilà. Et le tournage va être émaillé d'un incident slash scandale slash truc qui aurait dû attirer l'attention assez notable. Parce que lors du tournage d'une scène de douche le 2 avril 1997, deux semaines plus tard, un figurant de 14 ans porte plainte au motif que Singer l'aurait obligé à se mettre entièrement nu pour la scène, et il est rejoint par au moins deux autres plaignants de 16 et 17 ans, et donc il y a une enquête qui a lieu réunissant les polices locales, la police d'État et la police fédérale, à cause de suppositions, du fait que ça entre dans la catégorie du harcèlement sexuel, et du fait qu'il y avait supposition que ces demandes avaient été faites dans un but pornographique. Ouais. Cependant, toute poursuite est abandonnée à cause du manque de preuves, la demande de les mettre entièrement nus étant mise sur le compte de devoir finir le film le plus vite possible. Cependant, la scène va être de nouveau tournée avec des figurants adultes pour la version qu'on voit dans le film, pour ne pas avoir de nouveaux problèmes avec la justice. Mais en réalité, il est ressorti plus récemment, avec les preuves plus récentes qui concernent Singer, que l'abandon du procès en fait, aurait impliqué un arrangement financier assez important entre les plaignants et la production. Donc en fait, il y aurait eu un arrangement hors cours. D'accord. Pour étouffer le scandale. En 2019, Victor Valdovinos accuse Singer de l'avoir agressé sexuellement sur le tournage, mais je n'ai pas vu de suite qui aurait été donnée à cette affaire. Bref, dès ce tournage-là, il y avait des trucs contre Singer qui ont été étouffés et qui n'auraient visiblement pas du tout dû l'être. Effectivement. Sur le tournage du premier X-Men, il y a aussi des accusations de figurants violés par des amis de Singer, enfin... En fait, il y a plein de trucs hyper sordides qui sont ressortis autour de lui, quand même. Hein. Ouais. Un bon connard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La musique, elle est de John Ottman, un cas intéressant puisqu'il est le compositeur et le monteur de la majorité des films de Singer. Il a quasiment toujours la double casquette chez Singer. Il a fait pas mal d'autres BO, mais dans des films sur lesquels il n'est pas monteur, pour le coup. On peut mentionner que c'est lui qui a fait la BO des 4 Fantastiques de 2005 et 2007, du film Esther, parce qu'il a pas mal collaboré aussi avec Romé Colessera, d'Astro Boy, de Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys, en collaboration avec David Buckley pour le deuxième. Donc c'est un compositeur qui a été plutôt actif, et depuis 2016, en fait depuis grosso modo le scandale, que le scandale est éclaté autour de Singer, sa carrière a beaucoup ralenti, il travaille un peu sur la série The Gifted, semble-t-il, mais même là j'ai l'impression que c'est plutôt indirect, et qu'il fait plus grand chose. Et c'est un compositeur que je trouve globalement plutôt bien, John Houtman. Sur un Evdwe, il fait une BO qui a des chouettes thèmes, qui réussit à marcher émotionnellement et à amener de l'attention de temps en temps. Ça fait pas partie de mes compositeurs préférés, mais j'aime bien son travail. Oui, ça fait clairement le taf, ouais. Sur X-Men 2, j'ai souvenir qu'il fait vraiment une très très bien, bonne BO pour le coup. De mémoire aussi, oui, effectivement. Non, même le premier, il me semble que... Non, mais c'était pas lui. C'est peut-être. Pas lui le premier, pour le coup. Le premier, c'est Michael Kamen. D'accord. Selon Singer, dans son interprétation de Un élève doué, pour lui, c'est surtout une étude sur la cruauté et le nazisme ne sert que de véhicule pour montrer la capacité humaine à faire du mal. C'est pas vraiment le thème du film, selon lui. Il voulait insister sur le fait que le mal est contagieux et peut revenir dans n'importe quel environnement. Et donc pour cela, il aurait choisi visuellement de limiter un peu les symboles visuels nazis afin d'essayer de rendre le propos plus général. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? Wikipédia revient pas mal sur l'analyse du film par Denis Mahoney, et c'est assez intéressant à lire, et surtout sur le fait que là où la nouvelle, comme on l'a dit, a des personnages très sexistes et très violents envers les femmes, c'est plutôt l'homophobie qui est mise en avant dans le film. Avec des personnages, avec ce bizarre décalage d'une relation qui peut être homo-érotique par moment, enfin sadomasochiste slash homo-érotique, et en parallèle, l'homophobie très marquée des personnages, notamment de Todd, qui s'énerve beaucoup quand une fille suppose qu'il pourrait ne pas être hétéro. Ouais. Et pareil, il y a plein de soupçons. Dès qu'ils méprisent un autre personnage, ils vont le soupçonner d'homosexualité. Enfin, c'est effectivement pas mal présent dans le film. Mm. Bryan Singer montre d'abord le film au Museum of Tolerance à Los Angeles, un musée centré principalement sur l'histoire de l'Holocauste, devant un public en partie constitué de rabbins, afin d'avoir des retours sur sa représentation du nazisme. Mais comme ces retours sont bons, la sortie est prévue d'abord pour février 98, mais décalée par le distributeur au 23 octobre, une période selon eux plus adaptée pour les films sérieux. Le film va être une déception au box-office, il ne rapporte que 10 millions au niveau mondial, et la réception critique est mitigée. Alors, tout le monde dit du bien de la performance des deux acteurs principaux, mais le traitement du sujet et la réalisation de Singer laissent bien plus dubitatif. Il y en a pas mal qui trouvent ça pas très subtil, et trop démonstratif, vraiment pas assez fin pour un sujet aussi important. Mmh. Actuellement, le film a tout de même 3,3 étoiles sur Allociné, ce qui le place 18e à égalité avec Le Fléau et la vieille série Le Fléau, pardon, et Shining, Les Couloirs de la Peur, et 54% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 33e entre La Part des Ténèbres et Histoire de Lycée. On peut mentionner rapidement que un Evdwe a inspiré une chanson du groupe Anthrax appelée Skeleton in the Closet. Et qu'un épisode de Family Guy, dont le titre français est « À la guerre comme à la glaire », dans la saison 9, est une parodie d'un élève doué avec le fils de la famille, je crois que c'est Chris, qui devient ami avec un ancien nazi, mais sans savoir qu'il est ancien nazi, pour le coup. Mmh. C'est quoi ce titre ?« À la guerre comme à la glaire » J'ai l'impression que les titres français d'épisodes de Family Guy, il y a des gens qui se sont amusés, ouais. Ah oui, quand même, putain. Ouais. On dirait le grand détournement, dis donc. C'est dire si c'est nul, pardon. Je me nomme Zenka. Arthur Zenka. Je suis américain. J'ai été naturalisé en 1955. Je vote. Tu n'as pas le droit de débarquer ici et de dire tous ces mensonges sur moi. J'ai quand même vos empreintes. J'ai vos photos. Et d'une façon ou d'une autre, je les remettrai en bonne main. Ça, c'est invraisemblable. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi! Que vous m'en parliez. Te parler de quoi? De ces histoires. De toute l'affaire. Quelle affaire? De l'affaire qu'ils ont peur de nous montrer à l'école. Vous y étiez. Vous avez fait ces choses-là. Et personne n'en parlerait mieux que vous. C'est tout ce que je veux. Après, je vous laisserai tranquille. Mais je vous signale que tout ce que j'ai sur vous, les comparaisons, l'avis de recherche et le dossier photo, tout ça est bien en sécurité. S'il m'arrive quoi que ce soit, quelqu'un le retrouvera, croyez-moi. On va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Je rejoins l'avis général sur l'acting des deux acteurs principaux, qui est vraiment très très bon. Et, moi, personnellement, j'ai aucun reproche à leur faire. Mais je les rejoins également sur le fait que ça manque de subtilité, tout ça. Que la réalisation est même plutôt plate, elle n'a rien d'extraordinaire. Et personnellement, je rajouterais que c'est même plutôt chiant par moments. On s'emmerde en fait devant ce film globalement. C'est long quoi. Et pourtant, ça dure pas éternellement, ça dure 1h40 un peu passé. Mais il y a vraiment des moments de longueur quoi, c'est incroyable. Ça manque de peps, ça manque d'un petit truc pour te maintenir éveillé tout le long quoi. Je suis assez d'accord, je suis d'accord donc avec les retours qui disent que c'est pas particulièrement subtil. Le duo d'acteurs en effet fonctionne très bien, mais voilà, en fait ça y va avec des trop gros sabots et en effet une trop grosse absence de rythme pour vraiment fonctionner, à part dans les scènes de confrontation directe entre Todd et Dussander, ouais. Qui ne repose que sur le duo d'acteurs et qui du coup marche vraiment bien. Là pour le coup, le fait que la réalisation soit sobre et ne cherche pas les effets, ça permet de bien profiter des deux acteurs et donc le boulot marche totalement. Je trouve aussi que des fois, ça fait même un peu cheap dans les effets de montage, dans les scènes de rêve, dans ce genre de trucs. Ça m'a un peu sorti du truc des fois, notamment la surutilisation des fondus qui m'a agacé un peu. La surutilisation de la voix off qui répète d'anciennes répliques. Ça revient, ça revient assez souvent aussi. Ouais. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas beaucoup. Dans ces moments-là, ça fait limite téléfilm, tu vois, c'est des techniques que tu utilises dans un téléfilm pour faire un rappel de ce qui vient de se passer, donc bon, voilà. En termes de réalisation, c'est du téléfilm, franchement. Ouais, il y a quelques petites idées, mais la réalisation est jamais... C'est jamais très fin, en tout cas. Il y a quelques moments où je trouve que ça marche un peu, mais c'est jamais fin, effectivement. C'est un film qui, malgré le sujet... qu'il aborde est plutôt sage, quoi, je trouve. Tu sais, graphiquement, il y a des moments où il y a de la violence quand même, mais le passage du chat qui finit dans le four, dans la nouvelle, bon ben là, le chat s'échappe. Du coup, Singer aime les chats, possiblement. T'as un moment où, en parallèle de ça, Todd fait du basket et où on te laisse supposer, mais on te laisse supposer quoi, qu'il explose un pigeon avec son ballon. Ouais, c'est quand même très très clairement impliqué, même si c'est pas montré. Ouais, mais je sais pas, il y a pas de... Comment dire? Ça manque, en fait, visuellement, de quelque chose. Y a pas un jet de plume qui s'envole pour te faire comprendre. Le ballon de basket, après, il rebondit, il est nickel, il y a pas de tache sur le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tout est beaucoup trop propre, quoi. Et à la fin, quand Dussander plante un sans-abri chez lui dans sa cuisine, vraiment, t'as l'impression de voir une comédie à la Jerry Lewis, quoi. En fait, tellement il n'y a rien de violent dans ce que tu vois là. C'est un peu plus brutal quand Todd doit l'achever dans la cave. Oui, après, voilà, à ce moment-là. Mais sinon, c'est le seul moment un peu violent du film, quoi. Tout est très très propre, hein. Mais à la limite, tu vois, je comprends le choix de pas vouloir faire un truc trop violent graphiquement pour éviter, pour faire ce que le livre arrive à éviter, à savoir ne pas tomber dans quelque chose de trop voyeuriste dans le rapport à la violence. Je pense que c'est pour ça. Le souci, c'est que comme l'ambiance ne prend pas totalement non plus, ça marche pas suffisamment. Il n'y a pas une ambiance suffisamment poisseuse, en fait, et pour que l'absence de violence graphique soit totalement compensée. Alors, je veux bien entendre le fait de ne pas vouloir tomber dans le voyeurisme, mais le truc, c'est que la nouvelle évite le voyeurisme sur les événements dramatiques qu'il y a eu dans les camps de concentration, alors que là, le film ne te montre pas la violence directe des personnages dans le monde d'aujourd'hui, mais elle te montre, par contre, des prisonniers en vision. Elle te montre, là, des trucs, visuellement, de ce qui s'est passé dans des camps. Parce que Todd a, plusieurs fois dans le film, des cauchemars ou des visions où il voit des prisonniers des camps de concentration, tout maigres, tout affaiblis, tu vois, il les voit, et nous, on nous les montre, frontalement. Oui, je trouve d'ailleurs que c'est un moment qui... c'est des scènes qui sont peut-être un peu en trop, tu vois. Ah oui, en plus, alors c'est volontaire, hein, mais il a une vision comme ça, du coup, sous les douches, avec la narration, du coup, qui ressort une phrase à propos des douches. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ces moments où, bah oui, je trouve pas que le film soit particulièrement subtil. Et donc voilà, je trouve que le film est beaucoup trop propre, quoi. Et du coup, je rebondissais, ça m'a fait réagir tout à l'heure quand Singer disait qu'il avait évité au maximum les symboles qui reliaient directement au nazisme. Il y a quand même full croix gammée tout au long du film. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Si ça, c'est son image de la subtilité, la vache. Il y a quand même tout un passage où Todd est en cours, il y a le prof qui fait son cours normalement, et puis lui, il a dessiné... une dizaine de croix gammées sur son cahier, quoi. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis il se cache pas, quoi. C'est pas très discret. Il y a le passage dans le tunnel. Je pensais juste au Tesla. Oui, oui. Il y a le passage dans le tunnel où t'as une. Bon, ça à la rigueur, où t'as une croix gammée qui est taguée sur le mur. Bon, à la rigueur. Là, je pense que tu peux en trouver dans toutes les villes qui ont un peu de superficie dans le monde. Malheureusement. Oui, il y a largement moyen. Mais bon, là, ça fait quand même un peu le hasard comme par hasard qu'il tombe dessus pile au moment où il est en train de fuir, pile au moment où il est choqué. C'est ça. Et puis après, à la fin, il brûle l'uniforme pile poil dans ce tunnel-là avec la croix gammée en fond. Tu fais, non mais c'est bon, Brian, calme-toi. Ouais, non mais comme on disait, le film manque clairement de subtilité. Déjà, la nouvelle n'était pas particulièrement, à mon avis, non. Mais le film encore plus. Voilà. Dans les choix d'adaptation qui sont faits, alors il y a déjà celui de resserrer largement l'intrigue, on ne sait pas précisément sur combien de temps ça se passe dans la nouvelle, mais a priori sur une année scolaire maximum. Dans le film, tu veux dire? Dans le film, ouais, pardon. Et il y a un gros changement qui est que quand Dussander se fait passer pour le grand-père de Todd pour aller voir le principal, c'est sans demander l'avis de Todd, tandis que dans la nouvelle, il a sa complicité dès le départ. Oui. Là, il le fait dans son dos et c'est un moyen pour lui de le manipuler encore mieux. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Oui, parce que plutôt bien vu. Et pour le coup, il y a une atténuation très très nette aussi de la violence des deux personnages, puisque là, en effet, le chat survit déjà. Et a priori, Dussander n'essaie qu'une fois d'en tuer un. Et le mendiant, c'est la première victime de Dussander et de Todd. Tandis que dans le livre, ils ont déjà tué pas mal de monde, chacun de leur côté, ouais, avant que Dussander ne fasse sa crise cardiaque. Ils ont tué 4 ou 5 chacun, hein. Facile. Je crois que c'est mentionné, même que Todd, c'est plus proche de la dizaine. Hein. Ouais. Ouais, il en a tué vraiment énormément. Un vrai carnage. Voilà, le mendiant est joué par Elias Koteas, voilà. Tu ne l'as pas mentionné, mais c'est un acteur que j'aime bien. Il jouait Casey Jones dans le tout premier film Tortue Ninja. Voilà, c'est un acteur de jeunesse pour moi. D'accord, alors de quoi je le connais, Elias Koteas? Apparemment, ah, il est dans Crash. Il a joué dans pas mal de choses. Hein. Il a joué dans Crash, dans... Oui, non, mais je vois, mais c'est pas un acteur que je retiens. J'ai l'impression que j'oublie toujours un peu son existence, alors que je le déteste pas du tout. Ouais. C'est beaucoup. Et puis comme en plus, je ne suis pas physionomiste... Oui, voilà. Et que moi, en le voyant, tout ce que je me suis dit, c'est tiens, il y a une lointaine ressemblance avec Daniel Radcliffe, mais ça pouvait pas être lui. Oui, mais putain, mais je me suis dit la même chose, quoi. Je me suis dit, putain, il ressemblait à Daniel Radcliffe en étant jeune. C'est incroyable. Au moins, c'est pas moi qui ai rêvé. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'étais content, je me suis dit, ah, Casey Jones et Tortue Ninja vont arriver. Elles vont péter la gueule à du Thunder. Ah bah, elles ont déjà tapé sur des nazis, les Tortues Ninja. Dans les comics, sans doute, je pense. Ça se passe à New York, donc elles tabassent des New Yorkais. Donc forcément, ils ont dû tabasser quelques nazis dans le tas, non? Et on trouve de tout à New York. Oui, effectivement, ouais. Arthur Serret, vous ne voulez pas un petit cigare? Non, non, merci. Si ça ne vous fait rien, j'aime mieux mes cigarettes. Où est-ce qu'elles sont? Permettez-moi de vous aider. Ma chère, votre gentillesse me comble de joie. Merci mille fois de cette merveilleuse soirée familiale. Bon. Arthur, m'en voudriez-vous de vous poser une question un peu indiscrète? Pas du tout. Que faisiez-vous pendant la guerre? J'étais dans la réserve, comme la plupart des jeunes Allemands de mon âge, mais ma mauvaise vue m'a éloigné des combats, Dieu merci. J'ai passé presque toute la guerre dans un hôpital militaire à laver des paires de draps et des uniformes d'infirmières. T'as pas beaucoup entendu ce soir, bonhomme. Vous m'excuserez. Toutes ces histoires, je les connais déjà par cœur. Todd! Oh, laissez, ma chère. Le petit parle en toute franchise. C'est le privilège de la jeunesse. Un privilège dont l'homme d'âge mûr doit parfois se priver. La scène du costume, qui est reprise donc au roman, je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Ouais, effectivement. Pour les mêmes raisons que dans la nouvelle. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, McKellen réussit très très bien à jouer le switch entre le début, quand il met le costume et qu'il est un peu pitoyable, que c'est vraiment un petit vieux qui arrive à peine à marcher, et le fait qu'il regagne son aura maléfique. Ouais, je trouve que ça marche bien. Le monstre qui se réveille, c'est tout à fait ça. Comme on disait, la scène dans la cave est la seule un peu violente, parce que du coup, donc, Dussander appelle Todd quand il fait sa crise cardiaque, mais le mendiant n'est pas totalement mort et c'est Todd qui doit l'achever. Et là, ouais. Je trouve que cette séquence marche pas mal pour le coup. Par contre, dans l'ensemble de cette séquence-là, il y a un truc que j'ai trouvé absurde, c'est que directement après avoir achevé le sans-abri, ben il appelle les urgences directes, en fait. C'est-à-dire, la disparition du corps, nettoyer la cuisine, c'est fait en amont, c'est fait après. Et je sais pas, ça m'a perturbé, je me suis dit, ils ont laissé la cuisine en bordel comme ça, là. Peut-être qu'il sait que les ambulances mettent très très longtemps à arriver, là-bas. Ouais, c'est quand même... Ouais, mais même, c'est bizarre. Est-ce que tu laisses, avec supposément du sang partout? Bah oui, non mais oui, effectivement, il aurait fallu tout nettoyer avant, mais... Le combiné téléphonique, on voit qu'il y a du sang, parce qu'à un moment, le père l'observe, mais il est de l'autre côté du combiné, donc il n'est pas côté où il y a le sang. C'est nettoyé après, une fois que Dussander est déjà à l'hôpital. Et je sais pas, quand t'es ambulancier et que tu viens ramasser quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, normalement, tu demandes pas aux personnes dans la maison de le faire venir juste sur le bas de la porte, quoi. Là, tu rentres directement dans la maison, donc c'est très étrange. Ouais, j'avais pas plus tilté que ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça tient moyennement la route. Voilà, c'était mon petit relevé de choses bizarres. Donc, Dussander est amené à l'hôpital, et là, ça va rejoindre donc la nouvelle avec son camarade de chambre qui le reconnaît. Ouais. Et là, je suis mitigé, parce qu'effectivement, la scène sort encore plus de nulle part que dans la nouvelle, parce qu'on n'a rien eu sur ce personnage-là. Ouais. Par contre, je la trouve plutôt bien filmée. Tout le passage où il comprend, et tu sais, où il termine en larmes dans les bras de l'infirmière, vraiment, je trouve la scène très réussie. Ouais, bah oui, c'est ça, on est assez d'accord. C'est dommage que le personnage n'ait pas été un chouïa plus amené... Oui, qu'on comprenne sinon, son passé et qui il est, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que oui, sinon, plus, la scène, pour le peu de choses qu'on sait, elle est plutôt émouvante, quoi. Ouais, en plus, elle est faite quasiment sans dialogue, ça repose que sur le jeu de l'acteur et son parcours. Enfin, je trouve ça très cool, comme manière d'amener ça. Bah ouais, et puis surtout que l'acteur joue bien, quoi, sur ce moment-là. Je crois qu'il est cet acteur, mais... Oui, j'ai pas noté son nom, mais oui, il est bien. Mais oui, c'est... Pour le coup, c'est une des scènes vraiment très réussies du film. Et après, bah, le film retombe dans son absence de subtilité parce qu'il y a le discours de Todd à la réception de son diplôme. Ah oui, oh là là, c'est tellement... Oh là là. C'est puant de réussite sociale, quoi. Ouais. Et encore, de réussite sociale quand tu nais dans la bonne famille, quoi. Ah bah, et puis il mentionne directement Hitler, quand même, dans son discours. En plus. Parce que je sais que maintenant, on peut faire un salut nazi et il y aura des millions de personnes pour vous chercher des excuses. Mais bon, normalement, t'évites de le faire, quoi, dans un discours où tu reçois un diplôme, de mentionner Hitler. Surtout dans les années 80, quoi. Ouais, 90, mais ouais. Donc cette scène, je l'aime pas beaucoup. Puis après, t'as les flics qui débarquent. Ouais, il y a les flics qui débarquent, qui fouillent la maison d'Arthur, enfin de Sunder, qui de Sunder se suicide, comme dans la nouvelle. Ouais, parce qu'il comprend qu'il va être rapatrié en Israël, sinon. Enfin, rapatrié, il n'y a jamais mis les pieds, mais... Ouais, il est amené, expatrié plutôt, du coup. Voilà, expatrié. Ou que même s'il reste sur le sol américain, bah, ça tournera mal pour lui, hein, de toute façon, voilà. Mm. Et par contre, Todd, en effet, il y a beaucoup moins d'indices qui ont été laissés et bah, il va pouvoir s'en sortir, même si, comme dans la nouvelle, il y a une dernière confrontation avec son conseiller d'orientation, conseiller. Ed French, qui, bah, en fait, comme dans la nouvelle, se rend compte que le petit vieux qui se faisait passer pour le grand-père, en réalité, c'est un nazi. Ah oui, voilà, ça pose problème. Ouais. Et donc, il va confronter Todd. Et que fait Todd pour obtenir son silence ? Il lui fait des accusations auxquelles on pourrait faire à Bryan Singer lui-même. Voilà. Alors, c'est ça qui est beau. En fait, c'est un peu mon problème avec cette fin, c'est que il y a un moment, j'ai du mal à oublier que c'est réalisé par Bryan Singer. Donc l'adolescent dont la manière de faire pression, c'est de dire. Je t'accuse de m'avoir violé si tu fais quelque chose. Bon, Brian, il y avait visiblement déjà des trucs autour de toi à l'époque. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? C'est tout à fait ça. C'est là, ouais, vraiment, c'est une fin qui aurait peut-être pu passer. Encore que c'est un peu étrange qu'il s'en sorte aussi facilement, admettons, mais c'est une fin qui aurait peut-être pu passer chez un réel qui aurait pas de dos sur lui. Là, vraiment, séparer l'homme de l'artiste, c'est pas possible. Hein. Il y a une scène qui a pris un coup de vieux vers la fin du film. Parce que à l'époque, ça paraîtrait absurde de voir des gens s'insurger dans une manifestation en faisant des saluts nazis parce qu'on va expatrier un ancien nazi. Parce qu'il y a ça, tu sais, il y a... Avec, en face d'eux, t'as les gens qui sont contents et qui disent bah il faut l'exécuter parce que c'était un nazi. Et puis en face d'eux, t'as ceux qui font des saluts nazis en disant non, laissez-le tranquille. Bah aujourd'hui, en fait, ça paraît une scène normale. Ouais, oui. C'est triste, hélas, du coup. Ouais. Mais à l'époque, je comprends que ça soit tourné et que ça soit montré comme quelque chose de bah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Mais voilà, du coup, tout ce passage-là a pris un coup de vieux. Parce que malheureusement, c'est devenu normal. C'est un film au global qui, comme le disent les critiques, manque de subtilité. Vraiment, que la violence physique soit pas trop présente, c'est une chose, mais en fait, ça atténue tellement la violence des personnages et leur monstruosité, tout en traitant pas forcément mieux, même pas du tout mieux du thème du nazisme, qu'on ressent pas assez en fait le danger et le mal que représentent les personnages. Donc ça devient un petit thriller un peu pépère qui échoue à installer une tension et qui échoue à traiter du sujet du nazisme ou même de la transmission du mal parce que bah, finalement, on n'a pas, y a pas un mal qui paraît si monumental que ça à la fin. Mmh. Avant de conclure, du coup, rendons-lui hommage à cet acteur qui nous a offert l'une des meilleures scènes du film. Donc c'est Michael Biehn, il s'appelle. Et tout comme Ian McKellen, lui également a joué l'exact inverse, puisque c'était l'antagoniste nazi dans Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà. D'accord. Ça me fait rire du coup qu'il ait joué un pur nazi. Là, dans celui-là, malheureusement, une victime survivante des camps de concentration. Mais il a quand même une filmographie incroyable, hein, cet homme-là. Alors, souvent c'est dans des seconds rôles. C'est peut-être une règle implicite à Hollywood où si tu joues un nazi, tu dois jouer une victime du nazisme dans un autre film et inversement. Parce que donc le mec a joué dans Indiana Jones et la dernière croisade, il a joué dans Braveheart, il a joué dans Demain ne meurt jamais, il jouait l'amiral Kelly. Je sais plus qui c'est l'amiral Kelly. Non mais voilà, il a joué dans un James Bond quoi. Il a joué dans Gang of New York pour Scorsese. Ouais. Donc, il est accroché aux gens qui ont des petits problèmes et qui sont des prédateurs sexuels, puisqu'il a joué dans Beyond the Sea de Kevin Spacey. Oui, bah c'est oui. Voilà. Et alors, je ne sais pas qui est ce personnage, mais il a joué Gellert Grindelwald, âgé, dans Harry Potter et la Relique de la Mort. Grindelwald dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Oui, je vois ce qu'il sait. C'est un loup-garou, Grindelwald. Je crois pas qu'il soit très présent dans les films. Il y a des films, Les Animaux Fantastiques, qui s'appellent Les Crimes de Grindelwald, et où il est joué par Johnny Depp. Ah oui. Tant qu'on est dans les agresseurs sexuels. C'est ce que j'avais dit, encore quelqu'un de problématique. ouais. C'est bien. Donc voilà, c'est Michael Biehn, qui est toujours vivant et qui est âgé de 81 ans aujourd'hui. Ah oui, il est toujours debout. Oui, il est toujours debout, voilà. Et il a toujours la banane. Il est toujours la banane, et voilà. Et apparemment, maintenant, il joue un policier dans une série de films qui s'appelle Intrigo. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une série de films... Alors, pour l'instant, il n'y a que deux épisodes, mais c'est une série de films policiers allemands. Ah, parce qu'il est vraiment d'origine allemande, pour le coup. Très bonne question. Non, il est d'origine britannique. D'accord. Après, rien ne l'empêche d'aller jouer dans des films allemands. Hein. Non, mais c'est triste comme fin de carrière. Il s'agit d'une adaptation cinématographique d'une série de nouvelles de l'auteur suédois Håkan Nesser. Son nom, c'est presque Akab, donc j'aime bien, mais... Donc, il est anglais, mais joue dans une série de films allemands qui adaptent des romans suédois. D'accord. C'est ça l'Europe, monsieur. Camoulox. C'est en partie produit également par la Suisse et les États-Unis. Ok. Bah, la Suisse, quand il s'agit de produire les Allemands, oui, mais ça... Attends. Comment ça, dans les acteurs principaux, il y a Ben Kingsley? Comment ça? Je veux en savoir plus, maintenant. Tu vas te retrouver à regarder une série allemande, on va pas comprendre. Ah, c'est sorti chez nous en 2021. D'accord, bah, on jettera un œil pour l'acteur peut-être et pour Ben Kingsley, j'en sais rien. Non mais bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, c'est pas un film... En fait, le truc, c'est que je dirais que c'est pas un film à éviter, à fuir absolument, si c'était pas réalisé par Bryan Singer. Et du coup, j'ai un peu envie de dire... Laissez-le tomber dans l'oubli. Voilà, c'est ça. Comme tout ce qu'il a fait. Ce qui est quand même très problématique. Oui, de toute façon, il n'y a pas de truc suffisamment mémorable pour que... Ou alors vraiment, si vous le voulez voir, illégalement, quoi, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, voilà, au moins voyez-le illégalement. On va avoir des problèmes. Non, mais... Ou alors achetez-le d'occasion... Voilà, oui, c'est comme ça que je l'avais acheté. De seconde main. Moi aussi. Mais pas d'argent direct à Bryan Singer, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et si c'est à Ian McKellen que vous voulez donner de l'argent, trouvez d'autres films avec lui. Il a dû collaborer avec des gens bien, quand même, des fois. Oui, bah, ou pour le coup, si vous voulez lui faire plaisir à lui, faites un don à une organisation LGBT, puis voilà. Oui, aussi, en plus, oui. Faites ça. Il y a bien besoin, en plus, en ce moment. Oui. Et bah, je pense qu'on va pouvoir passer à une petite scène. Ouais. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Non, bah. Allons-y. Ce soir. Très bien, nous avons choisi un passage qui est grosso modo au milieu de la nouvelle. Todd en a plus cassé du sender, il comprend que ça commence à très mal tourner pour lui et qu'il commence à être vraiment en danger, et donc il réfléchit à la possibilité de tuer du sender, de le pousser en haut de l'escalier de sa cave, comme du sender boit beaucoup, ça passerait pour un accident. Mais il va découvrir que le vieillard est en fait plus dangereux qu'il ne le pensait. Nous allons donc lire l'édition Différentes saisons éditée par le Livre de Poche, traduit par Pierre Alliant. Nous sommes à la page 276, au chapitre 11. Aujourd'hui, je crois que je vais plutôt te raconter l'histoire d'un vieil homme qui avait peur. Lysander ouvrait la porte de la cave. Il tournait maintenant le dos à la table. Todd se leva, sans bruit. Il avait peur, continua Dussander, d'un certain jeune garçon qui, d'une curieuse façon, était son ami. Un garçon très malin, Sa mère disait que c'était un élève doué. Et le vieil homme avait découvert que c'était effectivement un élève doué, mais peut-être autrement que sa mère le pensait. Dussander tripota le vieil interrupteur fixé au mur, essayant de le tourner de ses doigts raides et maladroits. Todd avança, glissa quasiment, sur le linoléum, évitant les endroits où il pouvait grincer ou craquer. Il connaissait cette cuisine aussi bien que la sienne maintenant, peut-être mieux. Au début, le garçon n'était pas l'ami du vieil homme. Dussander réussit enfin à tourner l'interrupteur. Il descendit la première marche avec la prudence d'un ivrogne expérimenté. Au début, le vieil homme détesta considérablement le gamin. Puis il se mit à prendre plaisir à sa compagnie, tout en continuant à le détester. Il avait levé les yeux vers l'étagère, mais se tenait toujours à la rampe. Todd, calme, non, glacé maintenant, arriva derrière lui, se demandant s'il pourrait pousser assez fort pour lui faire lâcher prise. Il préféra attendre que Dussander se penche en avant. Le plaisir du vieil homme venait en partie d'un sentiment d'égalité, continua Dussander, d'un ton pensif. Vois-tu ? Le gamin et le vieil homme se tenaient l'un l'autre à la gorge. Chacun savait quelque chose que l'autre voulait garder secret. Alors, il devint évident pour le vieil homme que les choses changeaient. Oui, il perdait son emprise sur le garçon, en partie ou complètement, selon le degré de désespoir du garçon et son intelligence. Au cours d'une longue nuit sans sommeil, il lui vint à l'esprit qu'il vaudrait mieux pour lui prendre une nouvelle emprise sur le gamin, pour sa sécurité. À ce moment, Dussander lâcha la rampe, et se pencha au-dessus des marches abruptes. Mais Todd ne fit pas un geste. Le froid qui lui glaçait les os fondait peu à peu, et à la place, la colère et la honte lui colorèrent les joues. Quand Dussander attrapa sa bouteille, Todd se dit méchamment que le vieux avait la cave la plus malodorante de la ville, huile ou pas huile. On aurait dit qu'il y avait un mort là-dedans. Alors le vieil homme se leva du lit, sans plus attendre. Qu'est-ce que le sommeil pour un vieil homme ? Pas grand-chose. Et il s'installa à son petit bureau, pensant à l'astuce avec laquelle il avait empêtré le gamin dans les crimes qu'il tenait suspendus au-dessus de sa tête, se souvenant à quel point le gamin avait travaillé dur, très dur, pour faire remonter ses notes, et de ce que, une fois ce point réglé, le gamin n'aurait plus besoin que le vieil homme reste en vie, et que si le vieil homme mourait, le gamin serait libre. Il se retourna enfin, une bouteille pleine à la main. « Je t'ai entendu, tu sais, » dit-il, presque avec douceur, « dès que tu as repoussé ta chaise pour te lever. » Il n'est pas aussi silencieux que tu crois, gamin. Pas encore, en tout cas. Todd ne dit rien. Donc, s'exclama Dussander, tandis qu'il rentrait dans la cuisine et repoussait fermement la porte de la cave, le vieil homme a tout noté. Ni Schwartz, il a tout mis noir sur blanc, du premier au dernier mot. Quand il a fini par en venir à bout, c'était presque le matin, et son arthrite lui brûlait la main. Cette verdammt, arthrite, mais il se sentait bien. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait à l'abri. Il se remit au lit et dormit jusqu'au milieu de l'après-midi. En fait, s'il avait dormi plus longtemps, il aurait manqué son feuilleton favori. Hôpital général. Dussander regagna son fauteuil à bascule, s'y installa, sortit un vieux canif à manches d'ivoire et se mit à découper soigneusement le capuchon qui scellait la bouteille de bourbon. Le lendemain, le vieil homme mit son plus beau costume et se rendit à la banque, où il avait son petit compte chèque et ses économies. Il s'adressa à l'un des employés, lequel répondit de façon très satisfaisante à toutes ses questions. Il commença par louer un coffre. L'employé expliqua au vieil homme qu'il aurait une clé et que la banque en aurait une autre pour ouvrir le coffre. Il faudrait les deux clés. Personne d'autre que le vieil homme ne pourrait utiliser sa clé, sans une autorisation devant notaire signée par le vieil homme en personne, à une exception près. Dussander eut un sourire édenté devant le visage pâle et crispé du garçon. Cette exception est prévue en cas de décès du locataire du coffre. Toujours en regardant Todd, toujours en souriant, Dussander remit le canif dans la poche de son peignoir, dévissa le bouchon de la bouteille et remplit à nouveau sa tasse. « Qu'est-ce qui se passe alors ?» demanda Todd d'une voix rauque. « Alors, le coffre est ouvert en présence d'un employé de la banque et d'un représentant du trésor. On fait l'inventaire du contenu. Dans ce cas, ils n'y trouveront qu'une douzaine de pages manuscrites, non imposables, mais extrêmement intéressantes. » Les mains de Todd rampèrent l'une vers l'autre, s'agrippèrent nerveusement. « Vous ne pouvez pas faire ça » dit-il d'un ton choqué, incrédule, la voix de celui qui verrait quelqu'un marcher au plafond. « Vous ne pouvez pas faire ça !»« Mon garçon, » dit gentiment Dussander, « je l'ai fait, mais je... vous... » Soudain, sa voix s'éleva en un hurlement d'angoisse. « Vous êtes vieux ! Vous ne savez pas que vous êtes vieux ! Vous pouvez mourir ! Vous pouvez mourir n'importe quand !» Dussander se leva, et alla prendre un petit verre dans un placard. Un verre qui avait jadis contenu de la confiture, avec des personnages de dessin animé en train de danser autour du bord. Todd les connaissait tous. Fred et Wilma Finstone, Barney et Betty Rubble, Peeble et Bam Bam. Il avait grandi avec eux. Il regarda du Thunder essuyer le verre avec un torchon presque cérémonieux. Il regarda du Thunder y verser un doigt de bourbon. « Pourquoi faire ?» marmonna Todd. « Je ne bois pas. C'est bon pour les pauvres clodos comme vous. Lève ton verre, gamin. C'est une occasion spéciale. Aujourd'hui, tu bois. » Todd le fixa longuement, puis leva son verre. Du Thunder le heurta gaiement avec sa tasse en faïence bon marché. « Portons un toast, gamin. Longue vie. Longue vie à nous deux. Prosit !» Il vida son bourbon d'un trait et se mit à rire, se balançant d'avant en arrière, ses chaussures claquant sur le linoléum. Il riait. Todd pensa qu'il n'avait jamais tant ressemblé à un vautour en peignoir de bain, un répugnant charognard. « Je vous hais » murmura-t-il, et du Thunder manqua s'étrangler tout en riant. Son visage devint couleur brique, et on aurait dit qu'il toussait, riait et étouffait tout à la fois. Todd, effrayé, se leva aussitôt et lui tapa dans le dos jusqu'à ce que la quinte fût passée. « Dankeschön, » dit-il. « Bois ton verre, cela te fera du bien. » Todd obéit. Le bourbon avait un goût infect de sirop pour la toux et alluma un feu dans ses entrailles. « Je n'arrive pas à croire que vous puissiez boire cette merde toute la journée, » dit-il en frissonnant. Il reposa le verre sur la table. « Vous devriez arrêter. Arrêter de boire et de fumer. »« Ton souci de ma santé est très touchant. » Du Thunder sortit un paquet de cigarettes froissées de la poche où avait disparu le canif. « Et je suis tout aussi soucieux de ton bien-être, mon garçon. » Je lis presque chaque jour dans le journal qu'un cycliste s'est fait tuer à un carrefour. Tu devrais arrêter. Tu devrais marcher ou prendre le bus, comme moi. Allez vous faire enculer, s'écria Todd. Mon garçon, répondit le vieil homme en se reversant du bourbon et en recommençant à rire. Nous nous enculons l'un l'autre. Tu ne le savais pas ? Très bien. Et maintenant, la même scène dans l'adaptation. « Je crois qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un bon vieux monsieur qui avait peur. Et il avait peur d'un certain jeune homme qui était, d'une étrange façon, son ami. Ah, le jeune homme se révéla un très bon étudiant. Mais peut-être pas de la manière que sa mère et ses professeurs auraient souhaité. » D'abord, le vieil homme détesta le garçon intensement, mais ensuite, il commença à se réjouir de la compagnie du garçon. Bien sûr, il y avait toujours beaucoup de méfiance entre eux deux. Chacun savait quelque chose que l'autre voulait garder secret. Et finalement, le vieil homme sentit que son autorité sur le petit perdait de sa force. Il pensa que le jour viendrait où le garçon n'aurait plus besoin de lui. Alors, une nuit d'insomnie, le vieil homme sortit du lit et écrivit l'histoire de ses rapports avec le garçon. Tout ce qu'il avait gardé en mémoire, à partir de ce premier jour... Il écrivit comment le garçon entra de force dans la maison du vieil homme et fit du chantage au vieil homme pour servir ses propres tendances morbides. Quand les notes du garçon commencèrent à fléchir, il en accusa le vieil homme et lui ordonna de se faire passer pour son grand-père. À la fin, l'arthrite picotait les mains du vieil homme, mais il se sentit heureux pour la première fois depuis des semaines. Il se sentit sauvé. Le lendemain, le vieil homme mit son plus beau costume, se rendit dans une des banques locales et loua un coffre individuel de dépôt. L'employé de la banque expliqua au vieil homme que seul le vieil homme pouvait utiliser la clé du vieil homme, à une exception près. Cette exception tombait si le locataire du coffre mourait pour une raison ou une autre. Et après ? Le coffre devait être ouvert en présence d'un employé de la banque et d'un représentant des autorités du service du fisc, et le contenu du coffre devait être inventorié. Mais dans ce cas particulier, il ne trouverait que 12 pages de documentation. Non imposable, mais très, très intéressante. Vous n'avez pas fait ça? Je vous crois pas. Mon petit, tout ça est déjà fait. Mais bon Dieu, regardez-vous! Vous pouvez claquer n'importe quand! Oh. Ah, tu dramatises tout, Todd. Un homme 5 ou 10 ans plus vieux que moi s'inquiète plus de son cœur que d'être bientôt expédié en Israël. Et le jour viendra. Si moi je vis assez longtemps où je déciderai que ce que tu sais n'a plus aucune importance, c'est là, et seulement là, que je pourrai détruire le document. Oui, mais d'ici là, il peut en arriver des choses. Un accident, une maladie. Vous pourriez glisser sous la douche, putain de merde. Sarah, Sarah, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Vous savez qu'avec ça, c'est fini entre nous. Vous n'êtes pas prêt de me revoir dans les parages. Non. Je suppose que non. Qu'est-ce que vous faites? C'est la fin. Tiens. Rien qu'un verre. À notre vie ensemble, au commencement et à la fin. Je vous enverrai vous faire foutre si j'osais. Cher petit, ne vois-tu pas qu'on s'envoie se faire foutre tous les deux? Voilà, bah je te laisse commencer sur pourquoi on a choisi cette scène et ce que t'en penses. Bah parce que déjà c'est une des scènes très très fortes du roman où, alors que nous, lecteurs, on savait que le jeu du chat et de la souris était permanent et que l'un reprenait le dessus sur l'autre perpétuellement tout au long du roman, c'est le moment où Todd, lui également, s'en rend compte et comprend qu'en fait il est tout aussi piégé que Dussunder. C'est pour ça que c'est un passage très très fort de la nouvelle. Ça aurait pu l'être dans le film si la réalisation suivait, parce que clairement en tant qu'acting les deux acteurs sont très très bons et font du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont clairement pas aidés par une réalisation bien trop plate et qui malgré le charisme des deux acteurs a quand même du mal à vraiment les mettre en valeur, quoi. Ouais, oh, un peu quand même je trouve, il y aurait eu moyen de faire bien mieux, hein. Il y aurait eu moyen de bien mieux la filmer. Mais c'est le genre de situation, des scènes basées vraiment sur le dialogue et sur le jeu des acteurs, où ça me gêne pas trop que la réalisation reste en retrait, parce que justement ça évite qu'elle soit trop intrusive. Mmh. Après ça joue pas assez sur certains trucs, ça met pas en avant vraiment le côté cérémonieux du bourbon qui est bu en toast, la manière dont Dussunder débouchonne la bouteille avec son petit canif, voilà, toutes ces petites choses sont pas vraiment à fond mis en avant. Et il y a un truc aussi qui est pas du tout mis en avant dans le film, maintenant que j'y pense, c'est le fait que Dussunder parle encore couramment en allemand via quelques mots ou expressions. Alors que ça l'est totalement dans la nouvelle. Je crois qu'il y a l'idée que ça revient chez Dussunder là aussi à cause de la présence de Todd, donc effectivement c'est un truc plutôt sympathique de la nouvelle. Après, je sais pas, peut-être que ça se serait trop senti que Ian McKellen parle pas vraiment allemand, ou du moins pas sans accent, donc peut-être qu'ils ont voulu éviter ça. Ouais, parce que c'est vrai que dans le film, il y a des moments où il parle avec un léger accent, et c'est assez perturbant. Je sais pas trop si c'est un accent un peu britannique, un peu allemand, un peu russe, c'est très bizarre. C'est un peu pareil, c'est l'accent européen. Ah. C'est vrai qu'en fait, il aurait peut-être fallu mettre encore plus en avant par la réalisation le caractère qui est déjà dans la nouvelle, mais que Ian McKellen souligne bien de Dussunder, qui s'amuse, en fait. Ouais. Qui prend plaisir à dominer, qui prend plaisir à jouer à ce jeu. Oui, là, il est totalement dans le jeu, là. Il y a quelque chose de très pervers chez Dussunder qui prend vraiment dans cette scène et qu'il aurait, en effet, pu être... encore plus souligné, Après, oui, voilà, je trouve que c'est une scène, moi, dans l'adaptation, qui marche pas grâce à la réalisation. Après, non, c'est pas forcément quelque chose de simple de diriger des acteurs, mais je trouve que c'est pas mal déjà de savoir profiter justement de la force de ces acteurs. C'est déjà un truc de réel, au final. Oui, pas faux. De savoir se dire, ils sont bons, je les laisse aller. Il y aurait largement moyen de faire mieux, mais comme les deux éléments les plus forts du film sont réunis dans la scène, je trouve qu'elle fonctionne quand même. Oui, elle fonctionne quand même, attention. Et à noter là, pour le coup, qu'elle est assez proche du roman, parce qu'elle reprend pas mal de trucs quasiment à la lettre du texte de King. Dans le texte. Et pour le coup, là, vu que le dialogue est parfaitement ciselé dans la nouvelle, oui, tant mieux. Ouais, clairement. Donc ouais, c'est un bon point de retournement dans les deux versions. Hélas, tout le reste, dans l'une comme dans l'autre, un peu moins dans la nouvelle, mais dans l'une comme dans l'autre, tout le reste n'est pas à la hauteur, je trouve, de ce genre d'échange. Mmh. Mais est-ce que on passe au classement ? Eh bah, allons-y. Alors, il est grand temps de passer à notre classement. Comme d'habitude, je m'occupe du classement des écrits, romans et nouvelles, et mon camarade Issam s'occupera de vous réciter le classement des films. Pour les écrits, nous en sommes à 64 écrits. Les 5 premiers étant Sagdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lisée. Tandis que les 5 derniers sont L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et les Tommy Knocker. Où classer un élève doué ? Déjà, faisons un comparatif avec d'autres nouvelles issues de différentes saisons. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Alors, c'est moins bien que Rita and Worse, déjà. Oui, ça, c'est net, c'est moins bien que Rita et Worse. Et je pense que c'est même moins bien que Le Corps, finalement. Ouais, oui, Le Corps, on avait dit que c'était trop long par moment, etc. Mais ça reste une meilleure nouvelle, je pense. Ouais, moi aussi, je du pense. Du coup, Le Corps, il est combientième ? Il est 24e. Moi, je pense que j'aime moins que Running Man. Ouais. Et peut-être aussi que La Peau sur les os, hein, pour le coup. Ouais, je pense que je préfère La Peau sur les os, ouais. Alors, ça va au-dessus du fléau, quand même. Ouais, ça, oui. Ouais. Je regarde un peu dans la zone, quoi, parce que là, ça devient compliqué. Mieux ou moins bien que Désolation ? Désolation, on a du mal avec la deuxième moitié, mais la première est quand même sacrément bien. En fait, c'est le même... Désolation et Le Fléau, ils sont l'un à côté de l'autre, parce qu'ils sont à différentes échelles, mais ils sont un peu identiques dans notre ressenti. Les meilleurs passages de Désolation sont mieux qu'un élève doué, mais c'est vrai aussi les meilleurs passages du Fléau, d'ailleurs. Mais... Oui, oui. Mais pour le coup, Le Fléau, c'est quasiment un... Chez nous, c'est en 2 tomes, donc on va parler comme ça. Le Fléau, quasiment le tome 2 est chiant, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, c'est quand même la moitié du bouquin, quoi. Donc bon, après, c'est compliqué de comparer avec La Corniche d'Intox Inc. Et la caisse, que c'est des tout petites nouvelles, quoi. Ouais, mais c'est des nouvelles très fun et plutôt mémorables, quand même. Ah oui. Je pense quand même que je préfère Désintox Inc., La Corniche et La Caisse. Hein. Ouais, moi aussi. Je mettrais peut-être même Désolation au-dessus, parce que pour vraiment sa bonne première moitié et les très bons passages qui parsèment le livre par-ci, par-là. Genre quand ils arrivent dans la ville, le mystère du shérif et tout ça, c'est vraiment bien mené, quoi. Ouais, donc pareil. Là, vraiment, il y a que les conversations Todd du Thunder que je place parmi ce que King a écrit d'excellent. Le reste est toujours dans la zone un peu moyen, voire un peu longuée pour moi. Ouais, donc voilà. Entre Désolation et Fléau. Ouais. Le nouveau 32e, quoi. Donc le nouveau 32e, Ce qui fait définitivement de ce recueil un plutôt bon recueil, puisque en 24e, nous avons donc Le Corps et Rita Hayworth, c'est la rédemption de Shawshank, qui est à la 15e place. Et comme on n'en parlera pas a priori en film, on peut dire un mot rapide oui. de la méthode respiratoire. Qui est une très bonne nouvelle, alors très courte, comparée aux autres, parce que celle-là, la méthode respiratoire, a fait moins de 100 pages. C'est une nouvelle très très courte. Et contrairement aux autres nouvelles de différentes saisons, elle est totalement fantastique. Oui. Et horrifique aussi, ce que ne sont pas les autres. Oui. Alors, le horrifique n'a pas une place incroyable non plus. Hein. C'est vraiment plus, quand même... Oui, oui. Fantastique, paranormal, quoi, à la rigueur. C'est en fait une nouvelle que King a rajoutée exprès pour le recueil, parce que les trois premières nouvelles du recueil, il les avait écrites donc, à différentes périodes. Et à un moment, il s'est retrouvé avec ce qui lui paraissait suffisant pour faire un livre, et il l'avait suggéré à son éditeur. Qui lui avait dit, si t'appelles ça différentes saisons, il faut qu'il y ait 4 saisons, ça se tient. Oui. Et un peu en cadeau, King a décidé de faire une histoire beaucoup plus typique de ce pourquoi il était connu, histoire qu'il y ait quelque chose pour peut-être un peu plus appâter le client. Parce que rappelons que différentes saisons, c'est quand même une grosse sortie du style habituel de King pour l'époque. On est un peu plus habitué à voir ça maintenant, mais à l'époque, c'était un peu surprenant. Et donc, ça nous raconte l'histoire d'un personnage qui, un jour, est convié à un club de vieil homme qui se raconte des histoires sur divers sujets, à l'exception de l'histoire qui se raconte quelques jours avant Noël, qui, elle, doit forcément être paranormale. C'est la tradition, il faut que cette histoire-là soit un récit fantastique. Et du coup, le personnage nous raconte... Nous raconte le moment où on lui a raconté une histoire baptisée la méthode respiratoire. Et voilà, on va pas plus en dire, hein, parce que c'est tout court. Ouais. C'est tout court, mais très efficace. Ouais, j'aime vraiment bien l'ambiance de cette nouvelle. Le côté, en plus, petit salon, un peu où on se raconte des récits, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche, même dans la manière de raconter, dans le paysage qui est installé. Oui. Il y en a une autre qui se passe dans le même club. Je crois que c'est l'homme qui ne voulait pas serrer les mains. D'accord. Qui est une nouvelle de Tout est fatal, je crois. Ouais. Mais bon, donc, après, il a de la chance, hein, le personnage. Parce qu'en réalité, je pense que des vieux t'invitent dans un club où on raconte des histoires. Tu te retrouves avec diversion de Grandpa Simpson qui te raconte des trucs sans aucun sens. C'était la mode. La mode à l'époque. Et voilà. Par contre, je comprends que ça n'ait pas été adapté en film, parce que c'est très compliqué, mais pour le coup, ça pourrait être adapté en série avec un épisode, avec un format anthologie, quoi. Un épisode oui, c'est ça, dans Creepshow, dans un autre projet à peu près du même format que Rêve et Cauchemar, ça pourrait le faire. Voilà, bon, du coup, t'appellerais pas ça la méthode respiratoire, hein, tu donnerais le nom d'un club, quoi. Mais ouais. Ça pourrait. Mais voilà, chouette nouvelle quand même, pas la meilleure du recueil, forcément, mais vraiment sympa. Et nous allons donc pouvoir passer au classement film, où nous avons pour l'instant 102 œuvres de classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières... Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Mon Roman et Jorge Valdeciga, et Room 237 de Rodney Asher. Et maintenant, c'est ton moment, c'est ta rubrique. Il y a toujours ce petit sourire dans ta voix. C'est là que tu démarres ta carrière. Il y a toujours ce petit sourire dans ta voix, c'est quand même extraordinaire. Ah! Voici l'heure du vidéoclub. On préférait tenir un pub. Venez regarder des films qui puent le zob. Rejoignez notre fan club. On est le vidéoclub. Nous, c'est Issam et Christopher, on subit de vraies horreurs. On enchaîne les films honteux pour égayer nos auditeurs. Après plus de 100 épisodes, il était temps de couper le moteur. Mais finalement, on continue pour votre plus grand bonheur. On est le vidéoclub. Issam fait des calembours, je trouve ça très lourd. EKXV fait des bingos, Tsum fait des critiques sur les chevaux. On est le vidéoclub. Les démons du maïs veulent nous la faire à l'envers. Flanagan fait du zèle, il va encore nous mettre les nerfs. Room 237 est dernier, et c'est pas prêt de changer. Cette chanson a trop dur et vraiment dans quoi je me suis lancé. On est le vidéo club. Maintenant on a des invités. Mais faut pas vous habituer, Punky a juste eu pitié. Christopher et Issam, qui est en train de perdre son âme en écoutant mon vacarme. Le vidéoclub de Castle Rock, c'est notre bicoque. Je me demande un peu comment réagit ce Tsum et OKXV. Et OKXV à ce truc-là, ouais. J'espère qu'ils vont apprécier. C'est ouais. À eux de nous le dire, du coup. Ouais, envoyez-nous vos retours, hein. On vous rend hommage pour une fois. Ah là là. Je crois qu'on avait déjà fait un truc sur les Animaniacs en plus à l'époque de... Oui, c'était de Casse dans... sur table, non ? Dans Casse sur table, il me semble. Ouais, ça remonte. Bah voilà. Bravo pour ce moment. Et du coup, vu que je gueulais à fond et que je m'étais mis le générique des Animaniacs en fond, bah j'ai pas entendu tes réactions, donc faudra que je réécoute. Et j'ai cru t'entendre rigoler à cette chanson a trop duré, vraiment dans quoi je me suis lancé. Oui, mais j'essaie de rester silencieux pour respecter l'artiste, tu vois. Il ne faut pas faire trop de bruit pour respecter l'art. Oui, oui. Ah, et l'art, oui. Bon, où est-ce qu'on va classer un élève doué ? Ne serait-ce que la performance d'acteur, malgré les soucis de réalisation et la banalité de pas mal de trucs. Et en même temps, on a pas mal de trucs banalement réalisés dans toute tout le classement, de toute façon. Ça va le faire remonter. Par exemple, tu vois, là, je suis ne serait-ce qu'à la 57e place, Cimetière aux origines du mal, bah, c'est mieux que Cimetière aux origines du mal. Tu vois. Ah oui, non, mais oui. De pas mal, même. C'est même mieux que le Salem de Salomon, le Shining de Mick Garris. Hein. Ouais, même en remontant, c'est mieux que Vengeance diabolique et que Couple modèle, donc on peut... Ouais. C'était même mieux que les Vampires de Salem, hein. C'était pas très bien, les Vampires de Salem. Même mieux que le Cobaye, 45e place. En réalité, là, je pense que c'est mieux que le Désolation de Mick Garris, donc on peut même aller au-dessus de la 43e. Ouais, justement, je regardais, ça commence à être discutable, justement, à partir du Myst de Darabon. Ouais, c'est voilà. Là, ça commence à être un peu bon. Je sais que toi, le Myst de Darabon, c'est pas forcément un film que tu portes dans ton cœur, mais... Oui. La question, c'est qu'il y a des trucs que toi, tu vas moins aimer que le Myst de Darabon qui sont au-dessus. Donc, oui, clairement. Oui, parce que là, pour celui-là, on a un peu tranché. Quoi. Moi, à choisir, et là, je sais pas toi ce que t'en penseras, mais je préfère Un élève doué à Stand By Me. En plus, c'était dans cette zone-là que je regardais. J'étais en train de me dire que je préfère, par contre, quand même, le bis assumé du mangleur de Tobe Hooper à... un élève ouais, doué. Oui, hein. C'est fun. Et même Carrie Delahaye, pour le coup, moi je préfère Carrie Delahaye à un élève doué. Mais... Ah bah si tu veux, on met un élève doué entre Carrie 2 et après, Stand By Me. Après, si tu veux le mettre en dessous de Stand By Me, ça me gêne pas. Hein. Je conçois que ma vision de Stand By Me est assez particulière. Oui, peut-être un peu biaisée, je sais pas. Ouais. Même en dessous de Histoire de Lisée ou de La peau sur les os et compagnie, enfin de tout ça, on peut le descendre de quelques places si tu veux. Pas en dessous de La peau sur les os. Et clairement, je trouve que c'est un film un peu chiant quand même, La peau sur les os. Ouais. De Holland. L'histoire de Lisée, autant le roman, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. La série, c'est long, mais après, c'est à cause du format série que c'est long. Parce que sinon. Oui, il n'y avait qu'à pas choisir ce format. Oui, voilà. Mais par contre, je trouve que visuellement, c'est bien plus léché qu'un élève doué. Oui, largement. L'adaptation. Largement. En dessous de Lisée ? Ouais, disons en dessous de Lisée, ouais. En dessous de Lisée, entre Lisée et La peau sur les os ? Très bien, un élève doué prend donc la 33e place entre Histoire de Lisée de Pablo Larraín et La peau sur les os de Tom Holland. Et encore une fois, on rappelle, si vous le voyez, ne le voyez pas en l'achetant neuf, voilà. En payant un truc qui rapporterait de l'argent à Bryan Singer. Très bien, bah nous allons pouvoir procéder au tirage au sort pour les deux prochains épisodes. J'ai le chapeau... L'un des moments qu'on attend le plus avec la nouvelle rubrique, hein, du coup. Oui, c'est ça. Je crois que c'est à moi de choisir en premier cette fois-ci, donc je mélange. Et j'ai un papier. Eh ben, nous allons finir Rêve et cauchemar, puisque nous parlerons de Petit Soldat, réalisé par Brian Henson. Ok. Il a la réputation d'être le meilleur épisode de la série. Eh ben, cool. On verra bien. Et je mélange pour toi. Mélange, mélange, mélange. Stop. Alors, attends. Voilà. Et nous allons parler d'une adaptation officieuse, ça faisait un moment, c'est Mercy, qui est une adaptation officieuse de la nouvelle Mémé, réalisée par Peter Cornwell. Ok. Une nouvelle de Crépuscule, je crois. Non, je crois que Mémé, c'est vieux, hein. Je crois que c'est une nouvelle de Danse Macabre. Ah, peut-être. Brume. On avait tous les deux tort. Ah, d'accord. Donc, une nouvelle de Brume pour Mémé et le film Mercy. Et Petit Soldat, pour le coup, ça c'est... Petit Soldat, je crois que c'est dans Danse Macabre, pour le coup. Oui, c'est dans Danse Macabre, il me semble. J'ai envie de tout mettre dans Danse Macabre aujourd'hui. Mais oui, c'est bon, c'est celle-là. C'est bien dans Danse Macabre. Je viens de l'avoir. Donc, deux nouvelles dont nous n'avons pas encore traité, et deux adaptations que nous ne connaissons pas. Ce sera de l'inconnu pour la prochaine fois. Parfait. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @christ-6 Lost Tales sur Blue Sky également. Hein. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, on met les liens dans la description. Je fais du Twitch de manière régulière et j'aimerais bien reprendre d'ailleurs les streams ciné sur une autre note. Et j'ai une chaîne ciné consacrée surtout au cinéma asiatique. D'ici que cet épisode sorte, il y aura clairement une vidéo sur Godzilla contre Megaguirus qui sera sortie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Très bien. On se retrouve donc dans 2 semaines pour Petit Soldat et dans 1 mois pour Mercy. Yes. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.